Salut à tous, mes grandes coquines. Grandes coquines, surtout mes grandes coquines, parce que mes grands coquins, quand même un peu moins mes grands coquins. C'est plus pour Cusco les grands coquins. Ouais, moi j'aime les coquins. Les coquins. Mais je préfère les coquines. Mais j'aime les coquins. Alors tu aimes les coquins-coquines, travestis. Ouais, non, non. Non, voilà, pas les Non, coquins. Il aime bien les deux quand finalement, même. Il aime non, bien les deux, les voilà. coquins-coquines. Alors on Moi, est là. si vous voulez, je suis pour l'égalité des sexes. Je représente Brigitte Bardot Association USA. Brigitte Bardot, c'est pour les animaux, elle a rien à voir avec les travestis. Eh Brigitte Bardot, ben. dans son livre là Eh ben, qu'elle a c'est pour fait, les zoophiles. Brigitte Bardot, dans son livre qu'elle a fait, elle s'est foutue de la gueule des gays, des travestis, des juifs, des arabes, elle s'est foutue de la gueule de tout. Et tu sais pourquoi? Parce que Pourquoi? son mari est un fidèle candidat, est un fidèle. Comment on dit? Est un grand fan de Et un Jean-Marie Le Pen. partisan de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Ah. Eh bien, Ah! je ne supporte plus Brigitte Bardot Ouais, tu ne depuis ce supportes plus jour. trop Brigitte Bardot, là, d'un coup, comme ça. Bon, alors, on est là pour une heure et demie d'émission, pratiquement. On va parler Environ, environ. environ une heure et demie, je pense. Ouais, je pense. Je pense une heure et demie, je pense. Autant sur le plan tactique que technique. Technique. Voilà, une heure et demie, je pense que c'est bon, une heure et demie. Ouais, frère. Je pense aussi, je pense une heure et demie, c'est bien, quand même, une heure et demie. Donc, une heure et demie d'émission, durant laquelle nous allons vous parler, attention, un peu de tout. Cinéma, avec moi. JO, Avec moi, avec Logan. avec Logan. Et Champions League Champions avec League, Cusco. tout le reste. Je... Cuisine, chasse. Alors. On va vous apprendre à chasser le merlu également. Et aussi, on apprendra quels sont les 15 pays dont la moyenne et détient le plus gros pénis. El mor gran penis. Et vous verrez, vous serez surpris par le premier. Et on commence tout de suite avec le cinéma. Azerbaïdjan. C'est quoi l'Azerbaïdjan? C'est un pays? Ouais, c'est un pays que. Ouais. Ben c'est à côté de. C'est à côté du Kazakhstan, pays de Borat. Ouais, ça y est, depuis qu'il y a le Borat, tout le monde dit Kazakhstan, c'est pays de Borat, c'est dégueulasse pour les Kazakhstanais. Ouais, c'est Les vrai. Ah ben, ils l'ont Kazakhs. bien dans le cul. Les Kazakhstan. Ouh là là. Les Ouh là là. Kazakhstanais. Les Bon, voilà. mecs qui habitent au Kazakhstan. Alors, on va commencer par le box-office en France actuellement. Box office. Avec en France, en première place, La Princesse et la Grenouille, avec un total de 699 196 entrées. Ça veut dire qu'il y est depuis 4 semaines. Ça fait 4 semaines qu'il est sorti au cinéma et il est toujours en tête. Ouais. Juste devant Valentine's Day avec 635 278 entrées. Ça fait une Ça semaine c'est qu'il pas est. le cumul total. Le cumul total, La Princesse et la Grenouille, c'est 2 939 705. Putain. Avatar, il persiste, hein, mais ça, on verra après. Avatar, et ouais, Avatar, il est à 4e place. Ça fait 10 semaines qu'il est au Avatar, il est cinéma. devant Sherlock Holmes. Avatar est devant Sherlock Holmes, ouais. Ouais, mais Avatar, il est sorti avant. Et ouais, Ouais, bah justement, justement. justement, normalement, il devrait être devant. Il a fait un total en France de 13 810 704 entrées. Nous parlons d'Avatar. Et moi, Tu, je me sens. quelqu'un une calculatrice là? Ouais. Prends une calculatrice et multiplie ça par 7,50 €. Refait. Alors, t'es prêt? 13 810 704. 810, Ça part entrer dans l'écran. 704 Fois fois 7,50. Attends, question. 7,5 égale erreur. Ça fait erreur. Ouais, erreur. Ah, mais Non, là aussi, non. j'ai pris une calculatrice de Un merde. milliard. Ouh là là. Mais Ouh là là là non. là. Attends, Ça fait je prends le beaucoup. téléphone. Ouais, mais tu as vu les copies en France qu'il y a aussi de ça? Ouais. Il y a plus de copies en France de Mesdames et Sherlock messieurs, Holmes. le téléchargement De Sherlock Holmes que ne tuera pas d'Avatar. Avatar. Ben non, non, il a tout prévu. Il a fait de la 3D, le Ouais, bâtard. Tu peux le pas bâtard. télécharger la Elle est 3D. un culado qui m'a. Avec en troisième place le Mac. Ah ouais, le Mac, j'ai bien rigolé, Qui a fait moi. 6 647 entrées. Ouais, le Mac, c'est pas mal quand même, c'est un bon moment. Mais. J'ai fait beaucoup, hein, Avatar. Ouh là là. Alors, nous avons un Oulala. total en tout de 1 035 280 €. Non, c'est 10 milliards. Ouais, 10 milliards. 10 milliards, Ça, c'est excuse. en France, hein. Déjà, J'imagine dans le monde. avec ça, disons, divise ça par. Divise-le par. C'était combien les chiffres? Oh putain, bah laisse tomber là. Dis-toi, putain, dis-toi, combien de fric se touche. Ouais. C'est Je comment il t'appelle s'appelle hein. Eh ben déjà c'est James Cameron? James Cameron, ouais. Rien qu'avec le Titanic, là, il peut faire vivre ses petits-enfants. Maintenant, il peut faire Putain, vivre. t'imagines avec le Titanic, il a fait des entrées de monstres et là maintenant il te sort Avatar. Ouais. Quel connard. Et Mais alors là, il cet peut enfant. faire vivre 3 ou 4 générations, à mon avis. Laisse tomber, il peut vivre. Il pourra faire vivre quand après le. Après 2012, il pourra continuer à vivre à son propre Ah, bateau. ma charge. Alors, ensuite, mercredi 3 mars, on aura La sortie Nine. cinéma de Nine. Putain, Nine, il n'y a que des bonnes meufs. Messieurs, allez voir Ouais, Nine. allez voir Nine, c'est assez bien quoi. Notamment, Roof, Roof. Pénélope Roof, Putain, ça va. Putain, Marion Penélope Cotillard. Cruz, elle est magnifique. Là, sur ce film, elle est En ce moment, magnifique. moi, j'aime bien Penélope Mon père, il Cruz. la trouve pas belle, Pénélope Roof. Ah oui, ben ton père, il a un problème. Mon père, non, mon père, il a Au des petit goûts, mais c'est tyran. bizarre. Ouais. C'est bizarre, mon papa. Ensuite, il y aura Thelma, Oui. Louise et Chantal. Là, il n'y a pas que des Là, bonnes il n'y a que des grosses. meufs. Avec Jane Birkin, quand même. C'est ça que tu as vu la bande-annonce, c'est que quand Jane Birkin, elle est en string et tu as fait ah dans tout le cinéma, tout le monde a entendu. Ensuite, il y a The Ghostwriter avec Ewan McGregor et Pierce Brosnan. Alors, Pierce Brosnan, pour ceux qui ne Ouais, connaissent c'est celui qui pas, a fait James Bond. c'est James Et moi qui Bond. ai un inculte du cinéma, je le sais, ça veut dire que ceux qui ne le savent pas, honte à eux. Voilà. Parce que Ensuite, il y a. si Cusco le sait, c'est que quand même. Ensuite, il y a L'Arbre et la Forêt avec Guy Marchand. Alors, ça, c'est plus pour les Bien. gens qui ont des goûts assez particuliers, Ouais. qui se sentent rejetés de la Le capital société. va voir ça. qui se sentent rejetés de la société. Bien, passez un bon moment. Et je crois que Guy Marchand, c'est Nestor Burma. Voilà. Ah. Donc, si vous êtes un fan incontesté de Nestor Burma, passez un bon moment, je vous le souhaite, parce que vous risquez de vous faire chier profondément ensuite. Ouais. Je vous soutiens D'un après côté, mentalement côté durant c'est des cette épreuve. préjugés, ça se trouve, c'est un gros film d'action, ça pète dans tous les sens, hein. Mais Ouais, je pense pas mais quand n'y croyons pas non même. plus. Le film s'appelle L'Arbre et la Forêt. Ça explose dans tous les sens, la bande-annonce et tout, et d'un coup ça fait L'Arbre et la Forêt. Un homme. Un Un arbre. Une arbre. forêt. Ensuite, il y a Daybreakers avec Ethan Hawke, Sam Neill et Willem Dafoe. Alors, Willem Dafoe, qui c'est? William Defoe, j'en sais rien. Willem Dafoe, il a joué le méchant dans le premier film d'une trilogie. X-Men. Non. Mais on reste dans le Seigneur même des style. Anneaux? On reste dans le même Non, style non, avec alors. X-Men. Je vois pas Je te donne un du tout. indice. Vas-y. Une couleur. Vert. Tiens, je sais, Spider-Man. Ouais, il jouait dans Spider-Man, Dans le bouffon Bouffon. vert. Le Alors, il jouera Bouffon. dans Trop Daybreakers. fort. Et il y aura aussi une Precious. Alors Precious, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film qui a été nommé aux Oscars avec la meilleure actrice pour La grosse blague, la grosse Black, ouais, comme tu dis. Alors ce qui est assez bizarre, c'est La que blackos. elle n'a pas pris ses kilos pour le film. Elle fait ce vrai poids dans la vie. Ok. Donc elle a été accueillie au Grand Journal, Bon. assise sur deux chaises différentes, une chaise pour chaque fesse. Ensuite, pour le meilleur démarrage parisien de la semaine. En première place, on a Shutter Island avec Shutter Island avec. Shutter Island qui a fait 475 entrées à Paris en une après-midi. C'est déjà pas Amen. mal. C'est déjà pas mal quand même. Paris une après-midi. Après, il y avait, ça faisait rigoler parce que tout en bas, il y avait un film où il y avait marqué une entrée. Ça faisait trop marrer. Alors, je laisse la parole à mon À ami moi. Logan qui va nous faire les résultats de Vancouver. Vancouver qui s'est fini hier soir, pour ceux qui ne le savent pas. Vancouver, c'est Pour ceux qui fini. aiment toutes les combinaisons moulantes, Ouf, c'est sexy quand même. Bien Dans la beau. neige. On pousse sur les bras. Ils ont des grandes jambes aussi. Ils ont des grandes jambes. Alors, nous Ils avons écartent sur le les tableau des cuisses. médailles. En Un première truc. place, on a le Canada avec 10 médailles d'or quand même, c'est pas mal. Suivi de l'Allemagne qui a 9 médailles d'or et un total de 27 médailles quand même. Plus Ouais. que le Canada. Ouais. Mais les Mais c'est États-Unis. les médailles d'or qui comptent en fait. Ouais, c'est au plus Ouais, t'as de c'est un médailles d'or, total au de plus points. c'est un peu à chier ça quand même. C'est mieux que ça serait Ouais, au mais dans ce cas-là, total. les États-Unis Ouais, mais gagneraient à tous les Jeux Olympiques tout le temps si parce on qu'ils dit sont ça. beaucoup les États-Unis, États-Unis, y a que des blacks, non, quand ils font leur truc. non, Non, non. ça. Ça, aux Jeux Olympiques, c'est impressionnant. Pour les Ouais. courses, il y a que des Ouais, blacks. ouais. C'est trop un Pour truc de tout point de racisme. suture. C'est trop des racistes ceux qui font les courses. Alors après, il y a les États-Unis, donc qui ont 8 médailles d'or, mais ils ont 34 médailles. En tout, au total, ouais. Ouais. Après, il y a la Norvège. Suivi par les Corées Putain, mais du c'est Sud. incroyable ça, la Corée du Sud, ils Par sont la devant Corée la du France. Sud. Corée du Sud, en plus, les Ah, mecs la sont en France, on Corée a du Sud. beaucoup Ils ont reculé. dû jamais voir la neige de leur vie. Comment ça se fait? Ils sont aussi forts. Ouais. Ou alors, Bon, en ils France, les on élèvent a dans beaucoup la neige. reculé. C'est parce C'est qu'ils vont au des Tibet. petits Coréens élevés dans la neige qu'on vient chercher à l'adolescence et qu'on dit, tu montes sur les clés, ça suffit maintenant. Ils vont Allez. t'entraîner, c'est leur voisin tibétain. Alors, la France, quand même, a beaucoup On reculé. a Hein. tout On est à la lama. deuxième. On est 12e. On n'a que 10 12e. médailles. Il a dit Hein? 2e au début. Non, j'ai dit 12. Bon, c'est pas grave. Non, On est non, non, 12. tu as dit 2e. 12, 1, suivi de 2. Voilà. 12e. Avec 10 médailles. Bon, alors là, C'est pas même si c'était beaucoup. le total des médailles qui compterait, on serait quand même des merdes. Ouais. Mais Ouais. on serait un peu plus haut quand même. Parce que. Attends, il y a des On pays. aurait J'ai dû envie de fumer les savoir où est Pays-Bas. la Jamaïque. Kazakhstan, une médaille. Kazakhstan, une médaille d'argent. C'est ça fait de la peine un peu quand même. Ouais, comme l'Estonie, tout comme l'Estonie qui a eu une médaille d'argent en total. D'autre côté, moi j'en ai zéro si je fais les Jeux Olympiques, moi. Moi, déjà d'entrée, je tombe. Les Anglais, j'ai fait le biathlon, je tombe. Grosse chute. Les Anglais qui sont 17e avec une médaille d'or. Regarde où ils sont, l'Italie. L'Italie. Italia. Ah. Ouais, ils sont 22e quand même. Ils n'ont pas gagné une seule médaille d'or, les Italiens. Non, mais regarde la Grande-Bretagne, ils ont gagné une médaille, c'était une médaille d'or. Italiens aussi, ils n'ont jamais vu la neige, non? Mais si, il y a les Alpes. Ouais, mais bon. Les Alpes, Milan, Turin. Attends, il y a des pays, ils n'ont jamais vu la neige de leur vie. Japon, ils ont vu de la neige. Oui, oui, il y a des montagnes, oui, au Japon. Y a... C'est là où il y a la meilleure neige. Moi, je dis que là. Si, c'est là où il y a la meilleure neige. Alors, ensuite, tu disais, putain, le mec, il habite à Grenoble, quoi. Il n'a jamais vu la neige de sa vie. C'est exactement pareil. J'en sais rien, je sais pas s'il y a de la bonne neige à Grenoble. Et toi, tu vas nous faire les résultats. Ouais. Mon cher Cusco. Alors, moi, je vais vous parler de la Champions League. Alors, ça, c'est pas un truc pour les tapettes. Un peu, si, un peu quand même, parce qu'on est alors, à votre avis, quel est le sport préféré? Attends, on va. Quel est le sport préféré? Non, c'est bon. Des homosexuels. Le foot? Le football? Non. Vas-y, attends. La levrette. C'est un bon sport que j'aimerais beaucoup pratiquer quand même. Hein. Les. Je ne sais pas. C'est un sport connu quand même, c'est un sport qui marche autant que le foot presque. Ah ouais? Basket? Ouais. Non. Le hockey sur glace. Oh putain, attendez, vous déconnez ou quoi? Bien, la réponse c'était le rugby. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtent pas de se toucher au rugby, c'est un truc de fou. D'un côté, au foot aussi, ils n'arrêtent pas de se toucher. Dès qu'il y en a un qui marche, il se fait tripoter par toute l'équipe. Ouais, il prend des doigts dans le cul et tout. Ouais, tu as marqué! Finger! Gang! Dans le cul. Alors, voilà, alors, je tiens à préciser que dans pas longtemps. Tu as fait un gros post sur l'ordinateur qui est toujours là. Et bien, sur le gars. Voilà. Mais il pensera à tout jamais. Il rejoindra tous ceux de Darius. Tous les miens, ouais. Ouais. Côté de tous les miens. Donc, je te signale que tu as à peine le temps pour nous parler un peu parce qu'après on s'envoie une musique. Ok. Alors, déjà, je tiens à noter la performance de Lyon. Parce que Lyon, quand même, toutes les stars du Real, elles se sont faites enculer, voilà, par l'Olympique. Tu vois, je t'ai dit, c'est un sport de gay le foot. Toutes les stars du Real se font enculer. Ben ouais, génial. Mais oui, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Après, oh. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. Lyon, ils ont battu le Real de Madrid, je viens de réaliser là. Ouais, avec, et le Real de Madrid, attention, hein, sur le Real terrain. Le Real de Madrid, ils ont une équipe du de Real malade. De Madrid, il y a plus de 2 millions d'euros de salaire. Cristiano Ronaldo, c'est honteux comment ils sont payés cher, ouais, les footballeurs, c'est dégueulasse. Là. Par contre, ça, c'était un match de merde, Lyon-Real Madrid. Ah ouais? Ouais, c'était un match de merde parce que Lyon a fait le match de sa vie, mais le Real Madrid, on avait l'impression qu'il lisait le journal. Ils s'en battaient les couilles. Bah, par contre, avait pas raison, si vous vouliez voir du foot, fallait regarder Milan-Manchester United. C'était un match vachement animé. C'est sur Canal Plus Pro. Ça veut dire quoi, c'est vachement animé? Là, ça veut dire qu'il y a des actions. Il y a un mec qui est sur le terrain qui fait l'animation. Non, ça veut dire qu'il y avait des actions, des alors, buts. Question, vas-y. Est-ce que au football, il y a une sorte au stade de chauffage de salle? Ouais. C'est-à-dire. Qui s'appelle le speaker. Ah ouais, c'est genre un truc genre comme aux États-Unis pour le basket où ça fait déjà dès qu'on marque un but, déjà il y a une musique symbolique qui enflamme le stade, un truc de fou. Ah oui, c'est tan tan tan tan tan. Non, ça c'est à l'entrée du stade, ça c'est à l'entrée des joueurs sur le terrain, ça fait tan tan tan. En fait, c'est jump de Van Halen, voilà. Ah, ça va. De quoi? J'en ai parlé. Ouais. Voilà. Il a joué Jump de Van Halen en Guitar Hero. Toi aussi? Tu as joué à Guitar Hero, Jump de Van Halen? Ouais. Tu as joué à Van Halen sur Guitar Hero? Ouais. Tu as joué où? C'est ça, ouais. J'ai joué. Non, si, je te promets. Tu as joué où? J'ai joué à Istres. Non, on y a joué tout à l'heure. Il a fait ah ouais, ça existe. Non, j'ai dit ah ouais. Non, les amis, s'il vous plaît, ne grossissons pas. Mais c'est quand tu m'as dit ça alors? Quoi? Ah. Mais non, mais parce qu'il m'a dit j'ai joué à Van Halen Guitar Hero. Apparemment, un piqué s'est fixé à Barcelone. Non, bah c'est un piqué s'est fixé à Barcelone. Piqué, c'est un joueur de foot. C'est Gérard Piqué. Ça m'a flingué, moi. Un piqué se fixe à Barcelone. Bon, passons. Donc, Manchester United qui aura fort à faire chez eux pour battre le Milan de au moins un but. Ensuite, en huitième de finale, Porto. Deux positions, deux. Porto a battu Arsenal, c'était un match de fou, l'arbitre a dû se faire frapper, il a démissionné, je pense. Ah ouais? Ah ouais, parce que je t'explique, Arsenal s'est fait complètement voler. Ouais, ils ont dit souvent ça quand ils perdent. Ouais, non, Mec, mais moi. il a besoin de jeter ça sur quelqu'un, il dit eh, t'es fait voler. Ouais, non, mais ouais, moi je suis un supporter neutre. Je suis un supporter neutre et je l'avoue quand même, tu vois. Alors, et ouais, mais voilà. Je suis sûr que t'étais au Arsenal. Moi je suis un peu pour Arsenal, voilà. Donc vous dites n'importe quoi. Bon, voilà, Bayern après il y a Bayern-Fiorentina, bon, c'était pas un très beau match, hein, à la hauteur de nos espérances. Après, Stuttgart-Barcelone, Stuttgart qui a tenu en échec Barcelone à domicile, un partout. C'est la honte quoi, non, Stuttgart c'est une équipe de merde, non. Bah, c'est des Allemands, c'est une. C'est quoi, c'est une équipe de merde, voilà. Ouais. Et comme Copenhague. et Barça, par contre, ils vont les atomiser au Camp Nou, préparez-vous bien pour sortir le portefeuille ouais. si vous voulez parier. Bon. Ensuite, Bordeaux, ah, ah, ah, nous avons l'avis côté match du jour. Ouais. Donc tu dis oui. un score de combien? Je dirais 2-0 pour Barcelone. 2-0 pour Barcelone. 2-0 pour Barcelone. Alors c'est le moment de parier. Et voilà, alors donne ton adresse, avec... comme ça si jamais ils ne gagnent pas 2-0, les gens pourront venir te frapper. Ludovic Damance, 2 Allée des Paladins, 13-0-12 Marseille. Alors ensuite, oui, alors CSKA Moscou, Séville. Je ne sais même pas qu'il y avait une équipe. Ah ouais. CSKA Moscou qui a pas fait un match terrible contre Séville. Mais... Il y a des joueurs connus au CSKA Moscou? Non. Non. Il y a Gorbatchev. Il y a Gorbatchev. Très connu de Gorbatchev. Bon, et avant il y avait Dimitri Sitchev, mais maintenant il n'y est plus. Ah, ancien joueur de l'OM, Dimitri Sitchev. Bien connu, Dimitri Sitchev. Bien connu. Et le match choc, l'affiche choc de ce huitième de finale de Champions League. International. L'Inter de Milan Chelsea. International. Ouais. Oula, là, je t'ai battu sur toutes tes potions, là, c'est fini. Ouais, International. Ça fait. Ça y est, là, on voit plus l'écran. Heureusement, on voit plus l'écran. Un veille de potions. Et ouais, International et. Milano. Ah ouais, c'est oui. l'Inter de Milan. Ouais, voilà, c'est l'Inter de Milan. Et ben ils ont. Putain, moi je m'y connais. Parce que c'est comme. On va pas dire Olympique de Marseille tout le temps, on dit OM. C'est exactement pareil. Mais non, mais là ils font l'inverse. Ils font l'inverse. Au lieu de marquer OM, ils marquent Olympique de Marseille. Ouais. Ben voilà. Et là c'est trop long, Internazionale Milano. Mais ils marquent Inter de Milan. Ouais. Mais pourquoi ils marquent pas ça? Mais j'en sais rien parce qu'ils sont cons. C'est ah voilà, merci, ok. Voilà. C'est l'administration. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je te dis et tu me contredis. Bon, allez, on se dépêche parce que là, on va se taper de musique. Qui ont gagné Chelsea 2-1. Voilà, c'est tout. Et Chelsea va essayer de rattraper le score au match retour chez eux à domicile à Stamford Bridge. Chelsea, c'est un gros club. Il va y avoir des oligames de malade. Ouais, Donc n'allez pas à Chelsea pour aller regarder le match, vous allez vous prendre des coups de briques dans la gueule. Exact. Et vous le reviendrez dans le clip. Attends, on vous laisse. On va vous laisser, on va mettre une petite musique. Alors, je laisse quelqu'un choisir la musique. Si quelqu'un choisir. Allez, moi je le mets, je dis, et en hommage à Diego qui n'est pas là, je vais dire What You Get. Non, tu mets pas ça, c'est de la merde. Putain, il m'en a parlé pendant 3 mois, il m'a dit ouais, écoute What You Get, Junior Caldero et tout. Je l'écoute. Junior Caldera. Non, non, Caldero, c'est Caldero. Caldera. Non, c'est Caldero. C'est le mec qui t'appelle, je lui dis Junior Caldera. Ouais, le mec qui m'appelle Caldero, je t'ai raconté ou pas? Il m'a appelé, il me dit. Ouais, allô? Bah, déjà au début, il m'a appelé, il m'a dit, je viens de sang rouge, je te poigne. Il m'a dit, non, je te tranche, il m'a dit. Et là, il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, ça va? Alors, moi, je croyais que c'était trompé le numéro, alors j'essaie de rentrer dans toi, j'ai dit, ouais, ça va et tout. Il me dit, tu fais tes devoirs là? J'ai dit, non, je les ferai tout à l'heure. Il me dit, bon, j'ai besoin de 100 euros lundi. Et moi, j'ai dit, 100 euros, je les ai pas. Il me dit, bon, 70 alors? Je dis, non, 70 non plus. Il me dit, bon, tu m'amènes ce que tu veux, mais tu m'amènes quelque chose. Moi, je me pointe avec 50 centimes. Ouais, ouais, il m'a dit, il me ramène pas ta mère, un truc comme ça, hein, je suis un fou, moi. Je dis, non, t'inquiète pas, j'emmène personne. Il me fait, oh, ça va. Bon. Et, bisous, ciao. Ouais, non, non, il me dit, bisous, bon, ciao. Je, non, il m'a dit, je te rappelle ce soir pour confirmer. Ouais, il m'a rappelé, après, il a dit, bon, pour lundi, laisse tomber, voilà, passe une bonne rentrée, porte-toi bien. Et derrière il y avait un bébé qui criait, alors je criais, t'entendais Cadero, viens donner le bonbon, enfin, le bonbon. Ah, ouais, voilà. Allez, voilà, on vous laisse une petite musique. Allez, qu'est-ce que je peux mettre? Allez, j'ai envie de mettre. Moi je sais qu'il a envie de faire Morning in the Dark. Allez, Morning After Dark. Morning After Dark de Timbaland. Timbaland et. Et l'autre fille là. Nelly Furtado, mais voilà. Comment s'appelle l'autre? La française, je sais pas. C'est pas une française, y'a pas de française. Non, j'en sais rien. Ah, toi, tu écoutes la version là, y'a des radios qui passent la version française. Comme Énergie. C'est comme quand il passait avant, il passait. Mais un geste nu pour toi. Moi, c'est quand tu veux, si tu veux ces vêtements. Ouais. C'est maintenant. Alors vas-y, commence à enlever tes vêtements. Vas-y, dis un truc pour y penser. Non, non, non, non, non, non, non. Mais devrais-je me mettre nu pour toi? Bah, c'est la même. Vas-y, frère, comment tu as le vu? Ouais, ah ouais. C'est bon, je suis parti. Je tiens plus la prise, mon cœur est en crise. C'est ça? Mais ouais, attends. Je tiens plus la prise, devrais-je me mettre en crise? Mais bon. Mon corps est en crise. Voilà, alors on va envoyer After Morning, After Dark et on va aller chercher les paroles. Voilà. Ah, ça me donne envie d'une idée d'ailleurs. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure avec, mesdames et messieurs, le karaoké de Sous le Vent. Si tu crois que c'est... Non, non, garde-le pour tout à l'heure, voilà. Morning, After Dark, Timbaland et Furtado et l'autre Gonzès. Si vous connaissez le nom, vous nous le dites. Ciao. À tout à l'heure. Ciao, bisous. Ciao, bisous. Ciao. Ça va les deux. The same when it all goes up. I'll be the same when it all goes down. Not the first one open it up. I'll be the last one closing it out. Don't know if I give you a shot yet. Look at mama, I'm beating your style. Do I think you don't want enough? Yep. One way of finding it out. No way you came in me, boo. Don't care, not afraid. I'm like, wow. Really want it all, head to toe. For ya, I never sleep when comes the night. But every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it less? Something that I just can't describe. Am I the one and only? 'Cause you're the only one. It felt so long and lonely waiting for you to come. It's looking bright and early. I'm willing to close my eyes. This is the unusual story. Timbo is so shy. When the cats come out, the bands come out to play. Yeah. Up in the morning after. The dawn is here, picking on me on your way. Yeah. Up in the morning after. When the cats come out, the bands come out to play. Yeah. Up in the morning after. The dawn is here, picking on me on your way. Yeah. Up in the morning after. Hey. Hey. Hey. Hey. Go, Nelly. I need some Mary and Ben. Sur le sens de la vie porté par Cusco qui nous a parlé de sa Sega d'hier soir. Non. Non, alors on va parler de top 10 des plus gros sexes du monde. Si vous voulez partir, alors, le mien. Les Gonzès, si vous voulez partir en vacances, ben vous savez où partir. Ouais. Ou rester, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, les Grecs. Les Grecs sont 25e, oui. Ouais, avec 12,18 de moyenne. Quelle merde, c'est centimètres. Ouais, pas mètre. Hein. Pour rester dans le naturel quand même. Hein. 12,18 centimètres. Ouais. Pourtant, tout le monde. C'est téton. Donc, les Lettons de Lettonie. Ah, t'as vu ça? Je suis fort quand même. Avec 14,69 centimètres. Ils sont 10e. Hein. Là, on est passé de 25 à 10. En fait, on voulait nous montrer que les Grecs sont derniers de toute la. Mais ça, c'est vrai ça ou c'est basé sur un sondage de merde? Je crois pas que sont allés mesurer les kékettes des mecs dans la rue quand même. Bah, si, mais bah, sinon c'est pas du vrai. Comment ils ont fait alors? Ou alors ils ont fait la rédaction. Ils ont dit, viens voir Paolo. Tu es espagnol, ouais? Ouais, fais voir ta bite. Et alors le français, bah, il a du cul. Alors. Non, il a une bite. Il a du bite. Alors, ensuite on a les Allemands à la 9ème place avec 14,66 avec 14,66 centimètres. Sprégué de dire. Ensuite, nous avons. C'est vachement serré entre les Autrichiens et les Danois. La Belgique. Qui n'aime pas seulement les frites, mais qui les cultive aussi. Avec 14,77 cm. Tu n'as pas compris? Si, j'ai compris. Ça va alors. Ensuite, on a les Danois. Avec 14,88 cm. Suivi de près. Les Autrichiens suivis de près par les Danois. Ouais, et voilà. Ouais, ça marche pas si de près pour dire ça. Ensuite, on a les Autrichiens devant avec 14,89 cm. Donc à un millimètre, ils y étaient. Ensuite, on a les Italiens avec 14,95 cm. Là, il n'y a pas les Espagnols dans le truc. Non, parce que les Espagnols, c'est des merdes. Ils doivent être à 8,4. Ceux qui doivent être tout en bas, c'est les Tibétains. C'est pourquoi? Parce qu'il fait tout froid au Tibet. Ouais. C'est ça. Avec une moyenne de 6,8 cm. Ensuite, on a les Hongrois. Remarque, en Suède, il fait froid aussi, hein. En Suède, il fait froid. Ouais, mais ils ont le chauffage. Ouais, en Suède, tu as vu les gonzesses qu'ils ont, alors tout le temps, ils ont le barreau, s'il te plaît. Victoria Silvestre. Victoria Silvestre, on dirait un travelot un peu. Ouais, ouais, mais je la démonte quand même. Je te l'ai dit, tu aimes les travelots, je te l'ai dit. Attends, je regarde juste si on parle pas dans le vide depuis tout à l'heure. Non. Alors ensuite, nous avons la Hongrie avec 14,99 cm. Juste derrière. Ça y est, on a trouvé une discipline où ils sont juste derrière l'Estonie. L'Estonie avec 15,17 cm. Puis vient la Suède avec 15,36 cm. Attention, les premiers. C'est nous. C'est la France. Eh oui. Eh oui, avec la longueur de la moyenne de pénis. Si avec 15,48 cm. Ou alors, ils ont pris 15 cm. Ils ont pris toutes les bites de la rédaction du truc et ils ont additionné en fait. Ouais, voilà. Elles maintenant, on va passer au top 10 des femmes les plus sexy de 2010 selon Ask Men. Et en premier, nous avons une inconnue. Emmanuel Chikri. Chipo. Emmanuel Chikri. Bon, la star féminine de la série Entourage. La star féminine de la série Entourage. Alors Entourage, je connais. Perroquet. Ensuite, nous avons Marissa Milo. Elle m'a l'air un peu plus trop faite. Ouais. Non, tu sais, la nature peut être très gentille des fois. Ouais. Voilà. Ouais, une Nobel de la paix. Tu peux regarder dans mon slip et tu verras. Ben, elle sera très sévère. Ensuite, nous avons Kate Kinsel. Elle a travaillé toute sa vie pour combattre la misère dans son pays natal. Elle est née où? Eh bien, je ne sais pas, mon cher ami, mais nous allons savoir. Ça a l'air très british, Beckinsale. Je crois qu'elle est anglaise, certes. Et née à Londres le 26 juillet 1973. Merci à nos sources, Wikipédia, pour ne pas citer le nom. Ensuite vient Alessandra Ambrosio. Ambrosio. Un peu carré, mais ex-championne du monde d'un sport quelconque. Elle a une bouche spéciale. Elle a tout abandonné pour sauver la planète. Mais j'ai envie de savoir quel sport elle était. Ouais, moi aussi. Motherfuck. Motherfuck. C'est une mannequin, non? C'est une mannequin. Championne du monde de mannequinat. Wikipédia. Née à Brésil. Oh putain, elle est mariée et tout, s'il te plaît. Née à Brésil. Née à Brésil. Elle est mannequin brésilienne, tu vois. Je comprends pas pourquoi ils ont dit qu'elle était sport dans le championne mec. Championne du monde de sport. Ouais. On n'a pas compris. Ensuite vient Jessica Alba. Quelle est belle. Quelle est belle Jessica Alba. Docteur en physique. Je préfère Scarlett Johnson, je crois. Ah non, pas moi. Ensuite vient Beyoncé. Alors Beyoncé, je sais pas ce qu'elle fout là parce qu'elle est belle, ouais. Elle est bonne, mais elle est belle, mais faut pas déconner par rapport aux autres. Voilà, elle a pas vraiment sa place ici. Ensuite vient Penelope Cruz. Alors moi sur cette photo, je la trouve aussi blanche qu'un fessier. C'est vrai. Mais il y a des photos où elle est bien belle, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Non, dans le film. Elle a une tape. Sextape ensuite, ouais. Non, il n'y a pas de sextape. Ah ouais Non, non, elle a pas de sextape. Par contre, elle a fait des scènes c'est de cul. C'est Monica Cruz alors qu'il a, non ? Il y a aucune des deux qui a une sextape. Oh putain. Non, j'aurais dit non, justement. Ensuite, il y a Sheryl Cole, la femme de Ashley Cole, joueur de Chelsea. En ce moment, qui évolue dans le milieu. Ah, je croyais que c'était une fille, Ashley. Voilà. Bah, putain, c'est une lesbienne, c'est que moi je suis dégoûté. Mais je tiens à rassurer tous les hommes parce qu'il il paraît que dernièrement, elle a été photographiée plusieurs fois sans son alliance de mariage. Ouais, mais ça c'est pour. C'est pour la faire médiatiser qui a fait ça. Voilà, rien du tout. Peut-être aussi, je sais pas ce que ça. Elle en aura le cul de Ashley Cole. Eva Mendes. Qu'elle a envie de gros pénis, alors elle va venir en France. Voilà. Et oui. Parce que l'Angleterre n'est même pas dans le top. Dans le top des gros pénis. L'Angleterre est à 5,2. Attends. Elle est anglaise, ça veut dire qu'elle va venir parler, elle va me dire ça. What do you know? What the... Moi, je m'en fous, hein. Tant qu'elle fait pas. Oh, et bien là, il y a une énorme faute. Eva Mendes, surtout connue pour la scène ouverture de The Yards. Je dis non, mesdames et messieurs, parce que Eva Mendes ne jouait pas dans The Yards, mais dans La Nuit nous appartient. De James Gray, du même réalisateur, avec la fameuse scène d'entrée dans laquelle elle se masturbe. Exactement. Elle ne se fait pas piner. Non, elle se fait pas piner. Elle est toute seule sur le canapé et elle Miranda se Kerr, elle boite. En scène d'ouverture contre les lobbies pharmaceutiques pour l'arrêt des brevets. Putain, j'aurais aimé y être. Ouais. Je sais pas. On dirait qu'elle a 16 ans. Ouais, mais elle a fait. Quel âge elle a? Ça se trouve, elle a vraiment 16 ans. Non. Bah, je la mettrais pas dans les femmes alors. 16 ans, on peut dire une femme. Hein. 16 ans, ouais. On bat les couilles. Hein. 16 ans, elle a déjà une shot des seins. Même à 8 ans, elle a déjà une shot des seins, alors. Ils ont fait une faute d'orthographe. Oh. Top model, quoi. Alors, elle est née en 1983. Je demande calculatrice, mesdames et messieurs, je demande calculatrice. Ouais, elle est née en 1983, le premier de vous deux, allez. 100, ah ouais, mais attends, 83, moi je dois chercher dans le et elle est morte, hein. Bah non. T'es trop con, toi. Non, non, tu es 2009, moi 1989. 2006. Non, ouais. Bah non, 2009 parce qu'elle a pas fait son anniversaire encore. 1983. 1983. Elle a 26 ans. Ça fait 27 ans. Ouais, elle a 26 ans parce qu'elle a pas encore fêté son anniversaire. Ouais, elle est pas très vieille. Hein. 27 ans. Pff, mon dieu, qu'elle est belle. 27 ans, je préfère. Franchement, je dis vraiment. Mais quand elle va vieillir, il y a tout qui va tomber. C'est ça qui m'écœure que vous préférez. Ah non, moi, Eva Mendes, elle m'attire pas vraiment. Ben moi, j'aime pas son croustillis de Belin sur la joue gauche. Ben ouais, mais il y a des gens qui adorent ça. C'est ça qui est bizarre. Vrai, Marine Monroe, et ben elle est. Attends. Ouais, je suis désolé, elle est magnifique. Kate Beckinsale, elle est vraiment sublime. Sur cette photo, pas les mêmes goûts. Sur cette photo. Non, on n'a pas le même goût. Putain, je la trouve sublime ici. Bon, après c'est que mon goût à moi. Ouais. Celle qui joue dans Underworld, et dans Underworld elle est moche quand même. Ah oui, oh putain. C'est... Mais il y a une scène où elle enlève tout dans l'eau. Alors. Et elle est toute nue. La la la la la la. La. Amen. Amen, mes amis, prions. Eh bien, nous allons parler maintenant des 10 métiers qui ont entraîné le plus de divorces. Ainsi, nous refermerons cette page Topito. Topito.fr, notre source, un site qui... Il ne faut pas donner nos sources. Ah si, je donne nos sources. Sans ah. Parce que j'ai envie de leur faire de la pub, parce qu'ils me plaisent. Et d'ailleurs, leur source, en l'occurrence, n'était pas Topito, c'était Le Télégraphe. Je sais même pas ce que c'est ceci. Et les sources du Télégraphe sont... Ouais. Nous irons voir. Peut-être qu'on refera un tour tout à l'heure dans Topito, mais dans plus longtemps. Alors, là, nous allons parler des 10 métiers où on divorce le plus. Yeah. Tandis que Logan enlève son pantalon. Non, je le descends parce qu'il me remonte à l'entrejambe. J'ai des choses un peu grosses honnêtement. Voilà. Ben oui, on est en France quand même, c'est sûr. Oui. Des choses. C'est quoi, tu as été soumis aux radiations ou quoi, tu en as plusieurs? Ben j'ai une bite et oui. Il a plusieurs bites. Ah, c'est marrant, moi aussi. De quoi? J'ai une bite et deux couilles. Ah ouais? Ah ouais, Charles, il en a qu'une. Moi j'ai qu'une bite, oui. Non, t'as une bite et une couille. Moi j'ai une bite et une couille au milieu. Moi j'ai une bite et trois couilles, moi. Voilà. Moi j'ai deux bites et pas de couilles. Tiens, deux bites. Ça existe déjà. Non, ça me tourne, il a qu'une seule couille. T'imagines des mecs qui ont des couilles et pas de bites? Le mec il a une couille. C'est comme si tu avais pas l'Xbox, tu avais que la manette. Tu peux pas jouer avec, non, tu peux que la regarder. On peut pas comparer ça, mec. Si, on peut comparer ça. Si tu avais deux couilles et pas de bite, c'est comme si tu avais une Xbox, ou alors que tu avais la Xbox et que tu avais pas les fils pour la relier. Choisissez votre manière de voir les choses. Et non, nous allons parler. Je préfère avoir une pénis parce que comme ça, je me pissais debout. Alors que les couilles tout seul, ça me servait. À ce moment, je pense que je peux piner aussi. Je pense que tu pisses pas à ce moment-là. Tu pisses par la bouche. Parce que regarde, si jamais toute ton anatomie elle est faite comme un homme et que finalement la porte du garage elle est bloquée, c'est-à-dire que tu peux pas sortir tout le wagon, je comprends. Le convoi, voilà, tu peux pas pisser pour ceux qui n'ont pas compris la métaphore. Dans les garages. et ben, pas les permis. et ben ça veut dire que tu au moment où tu veux pisser, tu exploses. Et ouais, frère. Ou alors tu pisses par le nez. Ou par l'oreille aussi, toi qu'on y est allé. Non, parce que l'oreille, ça doit être assez galère de mettre la tête de côté comme ça à l'horizontale au-dessus des chiottes. Ouais, alors que le nez, ouais, ça doit niquer le nez. Ça fait comme quand tu recraches du coca avec le nez, ça. Ouais. Ça fait mal. Allez, alors, top 10 des métiers où on divorce le plus. En 10e, nous avons chef cuisinier avec 20%. Ensuite, en 9e, nous avons couvreur, femme de chambre et femme de ménage. Femme de ménage. En gros, ah, ils sont gavés. Écoute ce qu'il a écrit. En gros, celui qui pénètre dans ta maison. Sans jeu de mots. Ensuite, en 8e, nous avons serveur, avec 27%. Ensuite, en 7e, nous avons télémarketeur. Ça veut dire quoi, ça? Télémarketeur, ceux qui s'occupent. Tu sais, moi, je voulais faire le marketing à un moment donné. Ouais. Mais à la télé. Ah, les jeux de téléachat, quoi. Non. C'est genre ceux qui décident des programmes de TF1, je crois. Ou alors qu'ils font de la pub des chaînes. Ensuite, nous avons concierge d'hôtel et bagagiste. Ah, ça c'est bon. Je savais même pas que c'était un métier. Bah, bagagiste, celui qui dit, puis je prends vos bagages. Ouais. C'est ça? Ouais. Évidemment. C'est dans les hôtels 4 étoiles. Enfin, pas forcément 4 étoiles, mais dans les hôtels un peu luxueux en général, ils disent. Ouais, ou alors dans les hôtels de merde où ils ont pris le fils d'un ami et il veut se proposer à faire un truc. Ensuite, en 5e, nous avons artiste, personne travaillant dans le sport, entertainer, à savoir entraîneur. Donc les entraîneurs, ils ont pas trop des femmes très belles. Non, mais non, entertainer. Si, c'est ça, non entraîneur. Non, c'est artiste ou une personne qui travaille dans le sport. Artiste ou une personne. D'accord. Ensuite, en 4e, nous avons infirmière, psychiatre et aide à la personne. Ah bah, personnellement, moi, l'infirmière, je la démonte. Hein. Ça dépend quelle infirmière. Oui, ça dépend quelle infirmière. C'est l'infirmière qui fait 30 ans d'expérience, monsieur, dans l'infirmerie. 30 ans. Ça fait 24 ans. Et là, elle sort et Arthur me dit dans l'oreille, je la démonte. Ensuite, nous avons masseur. C'est vrai que ça doit rendre jaloux d'avoir un masseur. Approche-toi. Ma soeur, mais si jamais je suis ma soeur, si jamais je suis ma soeur, moi je me régale. Hein. Ah ouais, bah moi, si je suis ta soeur, je me régale pas du tout. Hein. Non, ça dépend. Ben non, au contraire. Encore une fois, je vais faire une métaphore. C'est comme si tu pouvais manger le bout d'un Twix sans pouvoir le finir. Parce que tu peux tâter les meufs et tout, mais tu peux pas les démonter. Bah, c'est un peu écœurant. Justement. Mais non, tu peux pas. 38% des masseurs peuvent démonter des meufs. Mais non, 38% des masseurs ont divorcé. Ah oui, donc ça veut dire. Ça se trouve, c'est parce qu'ils arrivaient plus à avoir d'érection. Voilà, t'en sais rien. Bah ouais, bah alors ça veut rien dire. Parce que tous les jours, ils en ont. Tous les jours, il a une érection. Ah ouais, moi je serais vachement mal à l'aise par contre. Ah ouais. T'imagines, t'es une la femme, elle vient dire. Alors j'ai un peu mal. C'est entre pour le massacre. déjà, moi, j'appelle la douane. Si elle rentre, elle me dit ça. Non, si jamais elle rentre, j'appelle la paf. Bonjour. Moi, je dis sortez tous. Ferme la clé. Elle me dit bonjour, j'ai un peu mal dans le bas du dos. Moi, je dis je vais arranger ça tout de suite. Là, attends, là, c'est ton anesthésieux. Regardez pas, tournez la tête. Ouais. Ensuite, ah, je sens un truc qui me pénètre. c'est normal. C'est la nouvelle crème massante. Hein. Ensuite, mais égalité avec barman. Parce qu'il rentre tard, à mon avis, quelque chose comme ça. Ouais. Et enfin, en première place, nous avons danseur chorégraphe. Les putes, les tafioles. Les gays, non, mais non, franchement, je vais dire quelque chose. Ça, c'est des préjugés parce que beaucoup de danseurs et chorégraphes sont très sexy. Avec un E à la fin. Tu ne dois pas jouer de la flûte, Logan. Nous sommes en train de parler des divorces. Ça ne se fait pas. On m'en fout des divorces, des putes. Eh bien voilà, nous refermons notre page Topito. Et nous envoyons un peu de publicité. Non, qu'allais-je dire, mon Dieu. J'allais dire le mot interdit. J'allais dire publicité. Ah, je dois taper, t'as du publicité. Allez, vas-y. Non. Ah, putain. Voilà. Et, cette et tout à l'heure, nous reviendrons avec... Qu'est-ce qu'on peut revenir? On va. Alors, c'est cet après, tout à l'heure, nous reviendrons avec Sous le vent. Si tu crois que c'était. Ouais, voilà, c'est bon, ok. Ensuite, nous reviendrons avec le défi fou. C'est quelque chose que je viens d'inaugurer. Okay. Et je proposerai quelque chose d'intéressant. Allons-nous tenter quelques canulars ou pas? Ensuite, nous reviendrons avec quelques canulars, bien sûr, entendu, comme promis. Et enfin, tout ça, c'est juste après. Juste après quoi? La juste pub. Après. Ça y est, tu relances pas si t'as envie, toi. Si je t'avoue, qu'est-ce que je peux vous envoyer comme musique? On a quoi? Qu'est-ce qu'on a comme son? Oh, bah, on a un peu de tout, hein. On va vous envoyer Rude Boy de Rihanna. Ah non, Rude Boy. J'aime bien Rude Boy de Rihanna. Franchement, j'aime bien. On va s'envoyer Rude Boy de Rihanna. Non, j'aime pas. On va s'envoyer Rude Boy de Rihanna. Nous, on aime bien. Moi, je kiffe. Moi, franchement, j'aime bien. Malgré la coiffure de Rihanna. C'est comme un rude boy, take it. I like the way you touch me there. Ouais, je connais ça. I like the way. Elle faut ma air, elle dit. Ouais. Donc ça gâche tout parce que moi je toucherai pas ses cheveux à Rihanna. J'aurais le sentiment de toucher un chauve. Voilà. Chauve. Un balai, un truc comme ça, les balais pour enlever les toiles d'araignée là. Ben voilà. Ah. Ben voilà, une serpillière. Mais je toucherai à tout le reste, voilà. Allez, ciao. On se retrouve juste après Rihanna, Rude Boy. Merci d'être là et merci de rester avec nous tout de même. Malgré le fait que nous travaillons avec un homosexuel et que beaucoup sont victimes des préjugés. Ouais. Voilà, ça nous dérange pas d'avoir un homosexuel dans notre équipe, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Logan? Voilà, on se retrouve juste après. Take it, take it, baby, baby. avec Cusco qui nous parle de ses attirances sexuelles pour les animaux. Et sous le vent, bien sûr, on va chanter sous le vent, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite les amis, pas tout de suite. Commençons déjà par le chocolat pour atteindre le lit de caramel. Quoi? Ah oui, mousse au chocolat de McDonald's. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop, trop. On dirait qu'il s'est sodomisé là sur cette image de retour vers le futur. Et lui, il fait des mouvements de sodomie à côté de moi, Cusco. Ah, tu as donné un coup de boue, connard. Casse-toi. Est-ce qu'on boit des tétés? Alors, nous allons vous expliquer, mesdames et messieurs. Nous avons regardé une scène de fesses pour rigoler parce que j'avais vu cette scène de fesses au zapping. Cette scène de fesses au zapping et au dernier moment, la personne se transforme en une fourmi géante. Une fourmi de merde. Et Arthur, qui était à fond, a commencé par « Est-ce qu'on voit les tétés ?» Donc ça a flingué tout, mais personne n'était à fond dedans. Donc là, nous allons regarder une vidéo de temps. Il était là. « Oh, on voit les tétés !» Oh, les tétés. Oh, les tétés, ça me fait trop bander. Déjà le truc du plein de c'est tété quand même. Ah bah oui, oh les tétés là. Du nichon du bas. Oh bah son zizi. Oh là. Voilà, Rihanna a mis sa coiffure assez moche. Donc là nous regardons une vidéo de Tétina. Nous regardons une vidéo de YouTube où Rihanna apprend à danser à Alan Carr sur YouTube. Ah c'est pareil, c'est chillard. Elle m'énerve, Rihanna. Rihanna, moi j'aime pas ce que Chris Brown, il a dû trop la taper pour qu'elle se coiffe comme ça. Voilà. Donc nous en foutons. Traumatisme crânien. Ah, nous sentirons plus. Ils sont de haut, ils sont la Nice. La Nice. Ouais. Ah, je croyais l'anus. Moi je croyais à dire l'anus. C'est stylé ça. Quand tu lances une recherche, tu lyrics. Prends lyrics. Quand tu lances une recherche sur YouTube, il y a ça en dessous. Ben, j'en sais rien, c'est la première fois que je fais. C'est trop stylé, ou alors c'est YouTube qui en fait une nouvelle. Ouais. Ah non, moi je veux le clip avec les paroles. Ah, ce serait trop méchant. Bah, c'est le cas, voilà. C'est vrai. Oh merde. Ou alors, ce serait stylé si on pouvait se trouver un trio, parce que ça, c'est moins marrant. Sinon, il y en a un de nous qui va être mis à l'amende. C'est pas grave, on chante en trio. Si tu crois que c'est... Alors, attends. Tellement belle. Attends, écoute le commentaire de Acoustic Vitali. J'adore cette chanson, tellement belle. La voix de Garou est incroyable, mais celle de Garou et Céline ensemble, waouh! Trop cool cette vidéo signée Guns Kondrodrod, dur à battre. Really cool to see Céline singing in her own language. She is so talented. On parle pas de la même Céline Dion alors. Ouais. Je sais pas, mais apparemment aux États-Unis, Céline Dion c'est. Oh là là. Non, au contraire c'est Céline Dion. Ah ouais? Elle a trop la classe. Ah bah ouais. Bah ouais, c'est ça. Les Américains ils sont trop à fond sur Céline Dion. Ouais, bah elle parle français. Elle parle anglais aussi. Ouais, elle parle anglais parce qu'ils s'entendent pas tellement contents d'être ici. Avec mon mari, René Charles. Vive Negro. Lyrics. Allez. Bien, nous allons nous lancer. Nous jetons dans le vide, mesdames et messieurs. Une chanson de Céline Dion et de Garou. Sous le vent. Attention. J'ai une petite question. Est-ce qu'ils vont entendre la musique? Ouais, un peu, mais pas beaucoup. Sinon, je la rajouterai donc ensuite. Ce serait génial. Donc si vous entendez la version où il y a en plus la musique derrière. Non mais là ça va être génial parce qu'ils entendront pile. Darius a travaillé. Bon allez, arrête de faire Burezi là. Moi je pense que c'est le mec de Malcolm en fait. Ouais c'est le mec de Malcolm et c'est aussi Nicolas aussi. Allez c'est parti. Fais le vide dans la tête et on commence. C'est bon. Sous le vent. Garou qui marche. Garou qui marche. Waouh. Un avion de Garou. L'avion de Garou. Ah c'est l'avion de Garou. Un avion pour approprier le thème sous le vent. Ah, il y en a deux, Il y a Garou. Ah, c'est un planeur. C'est un planeur. Attends, faut pas le rater. Chut. Faut pas le rater le début là. Ah oui. Ça y est. Je crois que je vais la mettre sur mon iPod. Attends. Tu crois que c'est fini? Ah non. Ouais, tu attends, on n'a pas les paroles. Les paroles, putain. Dégoûté, hein. Va falloir qu'on se retape. Pourtant, on n'aura pas la gueule de Garou. Ouais, mais c'est pas grave. Notre-Dame de Paris aussi, elle est bien. Elle est bien avec les Rikes. Hein. Attends. Because of You aussi, elle est bien. C'est quoi Because of You? Because of you, I'm a strength to fall from the sand. Because of you, nothing. Allez, fais-nous une chorégraphie. Fais-nous un petit truc là, allez, okay. Vas-y. Tu es dans ton élan. Tout le monde te regarde. Because of you. Déconne, personne te regarde. Ouais, je sais. Ah, mais c'est Céline Dion qui chantait S'il suffisait d'aimer. Mais oui. C'est pas Lara Fabian. Mais non, je crois que c'était Natacha Saint-Pierre, moi. C'est pas Lara Fabian. Alors, c'est Natacha Saint-Pierre. Ah non, ils se sont trompés, je pense. Parce que c'est, non, c'est Natacha Saint-Pierre qui chante ça. Ouais, ouais, c'est S'il suffisait d'aimer. J'ai lancé en recherche. Absolument. Tu sais qu'il n'y a pas besoin que ça charge. Hein. Ouais, ouais, il y a S'il suffisait d'aimer, parole. Céline Dion. Je comprends pas. Ah ouais. Putain. Je viens de recevoir une claque garde. Allez, c'est parti, on y va. Allez. C'est bon, mesdames et messieurs, vous allez rigoler. On va rigoler, moi je serai à fond ma vie, moi. Je chante pour moi. Je dédicace cette chanson à tous les gens qui sont tout seuls dans leur lit. Ouais. Et qui viennent. Et qui cassent tout le monde. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Vas-y, moi je fais Céline. Je donne des vacances à mon cœur. Un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort. Attends, respire un peu le souffle dedans. Qui me pousse en avant. Qui me pousse en avant. Et c'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile. J'ai glissé sous le vent. Attends, c'est à moi là. Si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile. J'ai mis un instant, ouais, grosse job. Attends, c'est à moi. Tu crois que c'est fini? Jamais. C'est juste une pause, un répit après l'étranger. Si tu crois que je t'oublie, écoute, le vent de la nuit. Et attends, c'est nous. C'est comme si j'avais pris la mer. Non, c'est comme si j'avais pris ta mère. J'ai sorti la grande voile. J'ai glissé sous le vent. Attends, sous le vent. J'ai quitté la terre. J'ai trouvé mon étoile. Un instant. C'est comme si j'ai pris ta mère. Tu crois que c'est fini? Jamais. Si tu ne poses un répit après l'arrivée. C'est comme si j'avais pris ta mère. J'ai sorti mon pénis et j'y suis allé franco. Sous le vent. Tu freestyle dessus le vent. C'est comme si je quittais la mer. J'ai trouvé mon étoile et je l'ai suivi à l'instant. Pour mes charmes, dédicace à tous les caribous. J'ai pris ta mère. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Ouais. C'est comme si je quittais ta mère. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi à distance sous le vent. Et là ça se calme, là. Tu vois, là on reprend la voix. Voilà. Sous le vent. Il y en a un dernier ou pas? Non, je suis dégoûté, je voulais trop voilà. Sous le Amen. Vent. Ah, moi aussi. Putain, et ce beau trio, j'étais en sueur et tout. Voilà. J'étais en sueur et tout, je me suis donné putain, du mal. Moi aussi, là, je transpire du cul. Je me suis donné du mal. Je me transpire. Transpire du cul parce qu'il a chanté. Voilà. Alors voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la partie que certains détermineraient de plus marrante, de plus drôle. Eh, les gars sont là. Attends, non, je vais le faire, attends. Je vais le faire, attends. Je me concentre et tout. Les gars sont là, qui le chante. Attends, je me concentre. Nana les gâchins, j'ai dû parler là-haut les gâchins. J'ai entendu les gâchins. Les gâchins, il a qui le sac les gâchins là. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la partie que Logan attendait. Logan? Logan attendait. Je vais pourquoi je l'attendais? Je me rapproche. Pourquoi je l'attendais? Parce que nous allons passer au canudur. Arrête de me caresser la fesse. Ah, putain. Au canudur. Canudur. Au Canada. Canada. Au Canada. C'est pas le numéro du Canada, on peut trop s'égaper le Canada. Non, tu vas payer ouais. À bloc par le Canada. Bancon, mon ami, Bancon, 10-31. Ah, non, ouais. Je veux savoir combien j'ai de forfait aussi, parce que s'il me reste 20 minutes, combien c'est as-tu de 26 problème. Minutes, il me reste. 26 minutes, et moi, ah, j'ai un... Est-ce moi, il me reste 3-0. Je suis à la caisse, vous êtes où? Ouais, c'est moi qui vous ai envoyé ça, putain. Alors, attends. Don't move, man, don't move. Putain, mais tes chiottes, c'est trop là-bas, on sent trop en harmonie avec les poissons. Ah ouais, ouais. Oh, les poissons. Mais c'est vrai, je chie avec les poissons, je me sentais au milieu de la mer. Ah quoi. Ouais, ouais, c'est génial. Moi, t'as l'impression de pisser dans l'océan au milieu des baleines, hein. Ah, j'aimerais pas pisser dans l'océan. Franchement, le meilleur endroit pour pisser. Oh, moi j'en ai, j'ai allez, un petit sondage 3. Comme ça là. Comme moi, ça. J'ai 1h03. Lancé. Quel yeah. Est le. Pour, jusqu'au non, laissez tomber. Moi j'ai 2-0 de communication. Ah ouais. Jusqu'au 16 mars. Alors, tu peux utiliser combien? Beaucoup. Ok, bon, on va passer par toi alors. Alors, un petit sondage comme ça. Quel est le meilleur endroit pour pisser, Logan? Les télésièges. Ah, ouais. En tout cas, pas face au vent, ça c'est sûr. Déjà. Le vent, c'est le mieux. Non, moi, franchement, je crois que c'est du haut de l'Empire State Building, je le tue. Ouais, ah ouais. Mais tu peux oh plus, là là. Il est mort. L'Empire State Building, il est pas mort. L'Empire State Building, c'est World Trade Center. Ouais. Voilà, il est con, là, putain. T'as non, en haut de la plus grande tour à Dubaï. Heureusement, personne ne nous entend à New ouais. York, hein, parce que sinon, eh ben, tout le monde va se faire insulter. Tu fais 3 secondes. Oh fucking French. On a fucking. Parce que t'as la plus grosse bite, man. Mais eux, ils sont même pas à New York, hein, États-Unis. Ah non, mais c'est pas en Europe le classement. Parce que, ouais, parce que la ou alors les États-Unis, les... ouais, c'est top aux États-Unis, ça vaut quoi. Ça vaut quoi. Allez, on va passer au canular. Alors, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez comme thème au canular? On fait quoi? J'en sais rien. La dernière fois, c'était bien le truc de la Kyra, on avait bien rigolé. Ouais. Passe-moi Catherine. Non, c'était passe-moi. Peut-être qu'on pourra le diffuser, ça. Peut-être je vous passerai ce moment où j'ai dit passe-moi Caroline et la femme m'a surprise et a dit non, c'est sa fille. Ah ouais. Donc ça a été passe-moi. Non, Catherine. Catherine, voilà, Catherine. Allez. Alors, on va faire où? On va faire j'aime Marseille. Ah, ben. Eh ben, nous allons le chercher. On enchaînera sur le terrain. Il n'y a pas un ambassade de Marseille. Non, moi, il me reste 26 minutes. 12. Ah ouais? Eh ben, chargeons-les. Jusqu'au 10 mars. Chargeons-les. Ouais, oui, chargeons-les. Prends le bunker. Le bacon. C'est bon, le bacon? Oh là là. Le bacon. J'aime trop le bacon. Par contre, tu mets les haut-parleurs, hein. Ouais, mais les haut-parleurs, il n'y a pas beaucoup de son. C'est pas grave. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de son. Eh non, tu le rapproches. On l'avait fait la dernière fois, c'était trop gavé. On avait pris le portable, on l'avait rapproché. C'était pas avec le mien. C'était avec le mien. Non, c'était avec le mien. Non, c'était bien clair. Non, c'était avec le motor là. T'es sûr de ça? Je suis sûr que non. Moi, je suis certain. Non, mais on avait appelé que les deux. Non, c'était avec le mien. T'as une belle si tu veux, ouais. Passe-moi appelle un pote tarpin nerveux. Un nerveux bien oh, nerveux. J'en ai un, mon pote. Un nerveux, mais attends, faut que je... Prenez des coussins pour mettre dans la bouche, comme ça vous rigolez pas. Ouais. Ben, reculez-vous, tarpin du micro. Putain, je vais être tout seul, il mon dieu. Il est magnifique, j'en ai un, il est magnifique. Il est tarpin nerveux, tarpin, c'est tarpin. C'est sur un plateau, là. C'est-à-dire, il y a quelqu'un en bas. Ouais, c'est pas grave. C'est qui? Je sais pas. Je suis ta gueule. Chut. Salut. Bonjour. Bonjour, voilà. Nerveux. Bien, ça, nous le couperons au ouais. Au ciseau. Mais voilà, pendant que tu vas chercher un ami, un tarpin nerveux, un chiant, un chieur, je vais t'envoyer une musique. Et oui, je suis chiant. Vous aimez pas quand j'envoie des musiques comme ça? Mais je suis chiant, j'envoie des musiques comme ça. On est magnifique. J'envoie des trucs. Alors, nous l'appellerons juste après la pub. Ouais. Juste ce que je vais te demander de faire, c'est d'appeler, de raccrocher, afin de savoir si nous ne prenons pas un gros bide. D'appeler. Moi, et de raccrocher, d'entrée, dièse 31 dièse, tu rappelles, tu raccroches. Mais non, parce que là après il va plus répondre sur le rappel. Si, bah bien sûr que si. Non, non. Bien sûr que si, si quelqu'un non. T'appelle et que ça raccroche, et qu'on te rappelle, toi tu réponds pas trop. Non. Je me tue à ça. Masqué, non. Ouais, quand c'est masqué. Mais moi, et fais-le pour savoir s'il est là, comme ça on se prend pas un bide. Mais on essaye au pire, on le coupe aussi ça. Ouais. Ouais, voilà, au coupe, je vous envoie une musique. Et je vous envoyais le pire ennemi de Rihanna, Chris Brown. Avec une chanson que j'ai découverte hier, ouais, bah, qui s'appelle moi. Crawl. Ok. Que sais ce que c'est? Ouais, c'est une nage. Voilà, donc tu devais dire ta blague, et moi j'aurais préféré que tu la gardes intérieurement. Ouais. Mais je ne t'en veux pas, ce n'est pas grave. Et juste après, je vous parlerai quand même des César qui sont diffusés ce soir. Peut-être qu'ils seront diffusés pendant que je vous parle. Peut-être, on ne sait jamais. Ou alors peut-être que vous êtes un fou, que vous écoutez cette émission alors que nous sommes en 2035. Voilà. Alors à ce moment-là, bravo, bon courage pour écouter, pour avoir retrouvé ça. Je vous félicite, si nous sommes en 2035, pour avoir retrouvé cette vidéo. Ou alors peut-être qu'on est devenu super célèbre, puisque Michael Jackson. Et qu'elle est diffusée au journal de TF1. Alors à ce moment-là, la petite fille de Laurence Ferrari, je vous dis bonjour. Et je vous dis aussi que sa mère est très bonne. Sa grand-mère est très bonne. Ça fait bizarre de dire que sa grand-mère est bonne, quand même. Ça fait bizarre de dire ta grand-mère est trop bonne, frère. Ouais. Ou ta grand-mère, franchement. Je démolis, hein. Allez, Chris Brown Crawl, on se retrouve. Everybody sees it's you. I'm the one that lost the view. Everybody says we're through. I hope you haven't said it too. So where do we go from here with all this fear in our eyes? And where been so far down, we can still touch the sky if we crawl till we can walk again. Then we'll run until we're strong enough to jump. Then we'll fly until there is no end. So let's crawl, crawl, crawl back to love. Déjà tout testé, on est des professionnels, on est des vrais. Alors on sait déjà qui on va appeler. C'est C'était une mamie. On va appeler une femme qui a vu passer des jours et des années. Ouais. Et alors, elle est toujours aussi jeune à travers le temps. Est-ce que tu peux, l'épreuve du temps, que tu peux nous mettre de la musique en fond afin de faire plus radio? Ok. Bouge pas. Je te fais ça. Alors, musiqueenfond.com. Hop. Musiqueenfond.com. Mais non. Ah. Alors attends. Trois essais. Trois. Pas un. Pas deux. Trois. Au bout de trois. Sinon on les fute. Nous reportons l'appel. Nous reportons l'appel, mesdames et messieurs. Voilà. Donc je vais parler plus fort parce que je pense que vous ne m'entendez pas trop. Tu es obsessed de. Voilà. Vas-y, bah alors tu commences juste quand je te le dis, ok? Non, non, tu remets le début, tu commences juste quand je te le dis. Ok. Donc vous ne l'entendrez pas, alors peut-être je vous la rajouterai après. Après, non, tu la remets depuis le début. On s'en fout. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. C'est, ouais, c'est, vrai, c'est une mamie. Mamie quand même, c'est pas sympa. Non, d'entrée, faut pas rigoler. Comment ça s'appelle? Cascadon, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je suis bien chez Jacqueline Marcier. Bonjour, est-ce que je suis bien chez Jacqueline Marcier? Vous êtes au coquillage Carambo, monsieur. Coquillage Carambo? Oui, monsieur. Ah, je ne connaissais pas. Vous avez dû vous tromper le numéro de téléphone. J'ai dû, oui. Au revoir, bonne soirée. Ah, bonne soirée. Coquillage Carambo. Je ne connaissais pas. Après, Adriana Carambo. Coquillage Carambo. Coquillage Carambo. Je connais même pas, moi, Coquillage Carambo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben nous allons réessayer. C'est comme si on prenait. Viens, on appelle un professionnel. Je sais pas. Tu veux qu'on appelle des gens ou des professionnels? On aurait pu appeler Coquillage Carambo. Toi tu le fais. Tu dis bonjour, je voudrais des moules. Tu fais des moules. À partir de 25 ans, elles sont plus fraîches. Hein. Alors je vous conseille. Non, non, parce que ça va faire bizarre si on appelle tout le temps. Non, il faut un truc de coquillage, mais. Vas-y, va chercher un truc de coquillage. Sur Marseille. Coquillage Henri. Coquillage sur Marc. Coquillage Henri, pourquoi pas? Allez, Coquillage Henri, cherche-moi le numéro de téléphone de Coquillage Henri. Coquillage Henri. Alors, quoi qui? Quoi qui? Ah oui, quoi qui, ok. Coquillage Henri. Il y a un grec ou c'est un i? À Marseille. 13-012. Yeah. 13-012. Coquillage Henri, dégustation. Activité crustacés et coquillages. Le restaurant des amateurs de coquillages dans un décor moderne et chaleureux, panaché de fruits de mer, poissons fumés, crustacés. N'importe quoi. Mais ça, on est sûr qu'ils vont répondre. Hein. Ouais. Everybody says it's you. Bien, cette chanson, je tiens à le dire, je pense qu'elle est dédicacée pour Yana. Voilà. Ce sont les deux derniers chiffres que vous avez entendus, mesdames. Voilà, ce qui ne veut rien dire, hein, bien entendu. Darius, façon, bon courage. On leur fait de la. Tiens, gros bâtard, tu m'aides pas? Si, si, je t'aide si jamais, voilà, je peux en courir. Je te frappelle. Oh, oui. Je sais pas, tu veux combattre Bernard, les boules? Ah, de rigoler, ton bâtard. Non, s'ils répondent pas, c'est trop bizarre. Ouais. Bonjour. Comment ça se fait, ils sont pas ouverts? Moi je suis trop chaud et tout, je fais bonjour. Ouais, c'était le répondeur. Mais d'un coup comme ça, d'un coup, et ben j'étais retombé, je rigolais plus du tout. Il a dit bonjour répondeur, putain. Bonjour répondeur. Bon, coquillage Henri, on peut faire quoi? Non, on peut appeler un truc de coquillage. Ouais, coquillage à Marseille. C'est assez coquillage, ouais, 15 réponses, vas-y. Everybody says it's you. Coquillage Neptune. Coquillage toi nous. Coquillage toi nous. tu me mets pas devant. Hein. Si jamais je pars en live, mets de la musique, t'as pas fort, en fond, et tu fais alors c'est qui? Ouais. Et on fait comme ça, on fait trop genre c'est la fête et tout. Ouais. Et moi je suis derrière, je fais. Allez, ça va, on fait allez, ça. Allez les gars, c'est pas. Mais je me demande s'ils entendent la paix. Ouais. Ben on verra, c'est pas grave. Sinon c'est pas un gros vent. Alors, Jazz 31 Jazz. Allez c'est parti, et puis tu dis le numéro, tu le dis à haute voix, on s'en fout, mais moi je fais la la la la la la la La la la la la la la la la. Ça leur fait de la pub. La la la la la la. Voilà, c'est la la. Mesdames et messieurs, on appelle. Vas-y, mets la musique fort, fort. Toi, nous coquillages, bonjour. Le capitaine nous a fonctionne pas sur réservation. Pour les groupes supérieurs à 8 personnes, non, paye, elle s'enflamme là, la jeune femme. Hein. Ah, mais tu vas prendre mon appel tout de suite, alors. 3w.toinou.com. Merci de patienter. Quelle bande de connards quand même. Hein. Ce qu'ils nous font, c'est dégueulasse. Surtout qu'on a bien entendu leur adresse, tout le monde connaît leur numéro de téléphone. C'est pas grave, ça leur fait de la pub. Ouais, quand même, on a fait des connards aussi. Hein. Putain, c'est bon. Ouais, bonsoir. Wouhou! Ça vous commandez des moules! Mais Bernard! Tu veux comment les moules? Oh! Eh bien, elle a raccroché, elle a raccroché, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit, je savais qu'elle disait. Elle a dit un truc, je le sais, ah ouais. Je sais qu'elle a, ouais, je sais qu'elle a tenté. Dommage qu'on a pas... Elle s'est lancée. Coquillage, c'est Riri! Il y a un truc qui s'appelle coquillage chez Riri. Coquillage, il faut appeler tout de suite. Tout de suite. Chez Riri. C'est Rito ou Rico? Non, non, on garde le même système, c'était trop stylé. Ouais, ouais, on fait. Ouais, Bernard! Wouhou! Tu les aimes comment les moules? Il faut qu'on fasse un peu plus sérieux parce que sinon, eh ben. Viens, on fait. On prend quoi? On prend quoi? Une chanson qui passe en boîte actuellement. Ben, prends TikTok. Tout le monde la passe en ce moment. Voilà, c'est tiens, un truc. Tu fais la peine, ou alors tu fais. Edouard Maya. Ouais, ouais, moi j'aime bien. Attends, bah là faut direct passer au refrain parce que là c'est bon. Très bien, c'est... allez, vas-y, appelle. Ouais, Chériri, j'espère que c'est un groupe au Ménéfest. Ah, ah ouais, ça, on est tombé sur je un. Je tiens aussi à dire que c'est notre dernier. On est tombé sur un LV. En canular téléphonique, après on vous balancera une petite musique et puis après nous enchaînerons avec beaucoup de choses. Zéro. On balancera une petite musique, une petite plume, on reviendra juste après, on parlera pêche, moule, tout ce qui va avec. C'est parti, on y va, on lance l'appel. Je suis prêt, tu ne me mets pas devant, tu ne me laisses pas tout seul, d'accord? Ouais. Non. Je crois que dès qu'il décroche, on met la musique, il faut qu'on le fasse. Ouais, baisse la musique un peu, bordel. Oui, bonjour. Allô? Mais bonjour! Mais bonjour, ah non! Non, non! Pardon? On vous tente bien, là. Qu'est-ce que vous cherchez? Bonjour, je voudrais commander des fruits de mer. Ah! Vous voulez commander n'importe quoi de fruits de mer? Oui! Voilà! Ah oui! Mais parce que vous êtes dans mal, hein! Ah, pardon! Arrête, putain, laisse la musique! Excusez-moi, monsieur, hein! J'entends pas! Vous entendez pas, là? Non! C'est parce que mes amis s'amusent à remettre la musique, là! Bernard, tu préfères les moules ou les huîtres? Parce que là, attendez, on se met au... On se... Appel suspendu par le réseau. Eh bien, oui, il a raccroché. Mais il était bien chaud, et toi, tu as pété tout le truc, là. Voilà, lui, il a pété, il y a eu un gros plan, et d'un coup, on a tous rigolé. Il me dégoûte. Et voilà, si je referme cette page de canular, nous espérons que vous avez passé un bon moment. Apparemment, Cusco a passé un bon moment, lui. Ah ouais, moi, le mec, il était à fond, à un moment donné, il a dit « Ah, vous voulez commander des fruits de mer ?» Et moi, j'ai dit « Et pourquoi tu crois que je suis là ?» Alors, il a dit « Je lui entends pas bien. » Ah là là, j'espère ah là là, que vous avez un bon moment. La coquine. Bon moment. La coquine. Bon moment. La coquine. Et le bon moment de la coquine. La coquine. Le bon moment. Qui? La coquine. C'est qui lui? C'est un mec qui est très con. C'est un breton. Je ne suis pas déçu de ce système. J'ai jamais espéré pour nos parents tomber dans le panneau. Je peux être navré. Où est mon HH Robel qui fait du H? C'est qui ce mec? C'est un très con. Et pourquoi sur son image il fume du hashish? Parce que il est con. Ah mais il a quel âge? Un an de plus que nous. Bien il me fait de la peine, voilà. Ouais. Donc nous allons parler de la ferme Célébrita. Ouais. Alors non, moi je suis désolé, je pourrais pas vous parler ça, je suis absolument pas. Moi j'ai écouté les résultats hier à la radio. Vous savez que Michael Vendetta est parti en pleurs. Michael Vendetta ouais. Est parti en pleurs car son ami Farid a quitté l'aventure. C'est vrai? Oui. C'est pour ça? Oui. Oh. Oh. Voilà. Non. Jure le voilà. Mais pourquoi c'est ton ami, c'est une tafiole? C'est une merde. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas ami avec des mecs, c'est des merdes. Hein. Ouais, moi non plus. Non plus, moi, mes potes, c'est tous des merdes, je suis un peu dégoûté. Je vais faire beaucoup d'ennemis. Ben the Boss. C'est qui commun. Ben the Boss? Non! Eh si! Non, je crois que c'est celui que j'ai mis la tête dans la pistière. D'accord, alors ça a l'air très intéressant, mais tu le gardes pour toi. Envoyer un message à Ben. Est-ce que c'est lui? Ville actuelle, Haïti. Bon, ça fait de la peine. Oh putain, peut-être qu'il a... Bon, eh bien, nous allons vous balancer une petite musique, là. Ça fait combien de temps? Non, pas encore. On va rester encore avec vous un petit peu de temps. Yeah. Yeah. Persona la main, coquillage Gilbert, coquillage... coquillage. Coquillage en... Ah non. Coquillage Henri. En fait, on s'était trompé. Je t'ai dit qu'il y avait un Y. Et ouais. Il y a ceux avec un Y, il y a ceux avec un I. Et ouais, il y a deux coquillages Henri. Allez, bon ben on va réessayer comme on est fou, ouais, et puis on a voilà. Fait que trois appels. Au bout, on va essayer si on refera deux bides. Ouais. De toute façon, c'est obligé que ça réponde. C'est des commerçants, c'est obligé que ça réponde, donc c'est obligé que ça marche. Donc fou rire garanti. Ah explosion de rire garanti. Coquillage Riri était exceptionnel. On le refera, on vous le promet. Ah putain, il était génial, coquillage Riri. On l'a appelé, il a fait ah, vous voulez commander des moules? Non, ah, plateau de plateau de fruits de mer. Plateau de fruits de mer, il a dit. Bon, allez. Gardons la foi, mes amis. Allez. Tu m'appelles ce numéro-là? Ouais. Bon, ben moi, je vais dire quoi en attendant? Je vais dire que le César, c'est ce soir et que je suis très, très impatient. Voilà, pour tous les fans de cinéma. Pour toi, Arthur, c'est un peu comme si c'était la finale de Coupe de football. Hein? Quoi? Ouais, bah oui, un peu. C'est pareil, ouais. Sauf que c'est... Non, c'est plus les Oscars. Alors là, c'est une petite Coupe d'Europe. Voilà. C'est une petite Coupe d'Europe. C'est bon. C'est moins intéressant. On appelle qui? Enlève. On appelle Coquillage Henri. Bonjour. Oui, bonjour, je suis c'est qui? Allô? Bonjour. Oui. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Vous m'écoutez? Allô? Allô? Oui. Oui, vous m'écoutez? Oui. Allô? Allô? Allô? Allô? Vous m'écoutez? Oui. Eh ben non. Allez, on essaie. On essaie coquillage Henri avec un Y. Mais non, ça y est, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas fait coquillage Gilbert? Non. Là, on fait coquillage Gilbert. Oh, coquillage Gilbert. Enlève-moi. On va peut-être essayer d'autres trucs. Enlève-moi ça. Oh putain, j'ai une sale idée. Enlève. Est-ce que tu connais un magasin de sextoy? Eh ben, on va trouver ça. On va trouver ça tout de suite. Une page jaune, mesdames et messieurs. Putain, non, mais ça, c'est la honte, ça. Si tu, ah ouais. C'est vraiment le cas des espèces. Vous avez un truc pour les sadomasos, s'il vous plaît? Je vais dire ça. Ah non, je vais dire. Mais bonjour, vous auriez quoi dans le bien dur? Parce que ma copine est une... Sexo. Elle aime... Non, sexo. Sexo. Elle aime... Sexo. Et moi, je suis un gros bâtard de la vie, vous êtes prêts? Vous savez ce que je vais vous dire? Je suis un gros bâtard de la vie. Et je vais vous dire qu'on se retrouve juste après la pub pour le sex shop. Non, oui. Pas si, la pub. Si, la musique, une petite musique. Alors, tu as envie de passer une musique comme ça, quelque chose? Ouais. Allez, vas-y, dis-moi. Alicia Keys et Jay-Z, Empire State of Mind. Allez, on se met ça. Moi, j'aime pas. Chacun ses goûts. Et j'espère que ça vous plaira. Vous me direz. Vous écoutez. Non. Vous faites votre propre avis. Et après, on vous passera IAS Replay. Je ne sais pas qui Paul c'est. Paul Key, il est beau bien. Ah oui, je connais Ripley. Ouais, je connais Ripley. Chané, Zach et Melody. Ouais, je connais ça. Bon, voilà, on se met ça plutôt. Nanana, every day. Bon, allez, on se met ça. On met quoi? Comment ça s'appelle? C'est Iaz qui chante Ripley. Voilà, on se retrouve juste après avec un magasin de sex shop. Allez, c'est avec nous, ça promet d'être mythique. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay. Replay. Remember the first time we met? You was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? But railroad wife breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a dime they say. That girl is a gun to my holster. she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay, replay. See you been all around the globe. Not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, it really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Railroad wife breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. That girl, like something off a poster. That girl, is a damn they say. Her girl, is a gun to my holster. She's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay, replay. I can be your melody. A girl, I could write you a symphony. The one that could fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. Yeah. I can be your melody. A girl, I could write you a symphony. The one that could fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. Na na na na na na na na na na na. Shawty got me singing. Na na na na na na na na na na. Now she got me singing. A melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay, replay. De retour, je suis content que vous soyez toujours avec nous. On vous avait promis d'appeler un sextop. Un sextoy. Vous avez promis d'acheter un sextoy. Alors pour vous, mes chers auditeurs, on va prendre un sextop. Je suis en train d'appeler 17. Non, mon portable est dans ma poche, il est marqué 17, appel en cours. Voilà. Alors voilà, pendant que vous n'étiez pas là, alors il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons enregistré une partie de l'émission qui était minable. Voilà. Véritablement minable. Donc, voilà, c'est pour ça, pour vous, mesdames, mes chers auditeurs, nous ne prenons que le meilleur. Nous ne prenons que la crème. Alors cette émission n'était pas terrible, mais nous avons reçu des menaces d'un vendeur de sex shop. Alors, effectivement. Il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Nous avons commencé, nous avons dit que nous voulions acheter des martinets et des menottes de mousse, c'est ça? Ouais, des menottes parce que on a dit que mon compagnon était très craintif des poignets, alors voilà, on a demandé ça. Des menottes en velours. Et c'est enfoiré quand même. Et parce que ses arguments, c'était de la merde. Il faut savoir qu'il nous a dit. D'ailleurs, je sais même pas comment il nous a cramé. Il a utilisé l'argument le plus pourri qui existe. Il a dit. Parce que vous appelez en numéro privé. Ouais, putain, c'est vraiment la merde ce truc. Parce qu'on appelle en numéro privé, ça y est, ils croient que ça y est, on est des terroristes. Donc voilà, donc c'était un échec cuisant. Mais si nous sommes en prison aujourd'hui, vous plaiderez notre cause, car vous saurez que c'était totalement dans le domaine de l'humour et que nous n'avons pas offensé cette personne. Puis, attends, à aucun moment nous l'avons insulté. Et que des menaces, que lorsqu'on menace quelqu'un d'appeler le commissariat, et ben, on dépasse quand même des limites. Surtout que il faut savoir rigoler dans la vie, c'est important. Alors là, je vous explique ce qui se passe. Cusco est en train de faire un gros merdier avec mon portable. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ouais, frère. C'est bon. Eh bien, nous y allons alors. Attends. Faut voir si ça a bien marché. Alors, je tiens à préciser que le sex shop que nous allons appeler maintenant se situe à Paris 75009. Donc, il est avec le. Il est près du boulevard de la Chapelle. Alors, moi, le boulevard de la Chapelle, je connais. Boulevard de Belleville. Il est. Oh putain, j'y étais il y a pas longtemps là. C'est vrai? Ouais. Alors, c'est bon. Allez, c'est bon, Chapelle? C'est moi qui parle? Non, attends, faut que j'ai le numéro. Bien sûr, sinon ça va être dur. Eh ouais. Alors, on prend Production X ou JLP Distrib? JLP Distrib. Je vais essayer de faire la grosse voix de pervers. Comment ça se passe une voix de pervers? Ça me coûte pas plus cher si j'appelle à Paris? Non, pas du tout, Paris c'est en France. T'es sûr ça? Ouais. De toute façon, c'est ta carte SIM. Ouais. Répondre là, faut pas déconner ou quoi. On est samedi, tous les pervers sont sortis. Ouais. Bonjour, bienvenue sur la messagerie France Télécom du 01. Tout s'arrête là, nous appelons Projection X. C'est dommage que nous ayons supprimé tout de même cette partie, mais nous étions partis dans n'importe quoi. Et si jamais nous étions victimes de poursuites, on ne sait jamais, nous n'aurions pas voulu qu'il y ait des preuves. Exactement. Exactement. Alors, Cusco est en train de prendre le numéro du Projection X. Projection X. Qu'est-ce que je demande? Je dis, vous passez quoi en ce moment? Ouais. Et allô? Ça va, ma coquille? Oh là là. En fait, le mec se ségue au téléphone. Allô? Tu es ta coquille. Vas-y. C'est bon, on y va. Allô? Et bonjour, je suis bien chez Projection X. Allô? Allô? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, écoutez. Confusion totale. Pourquoi as-tu chanté? Ouais, alors je sais pas si vous avez entendu. Si, si, ils ont entendu. Oh là là, mon dieu. Ils ont chanté. Donc c'était très bizarre. C'est un ménage. Il a chanté quoi? Ah, il chantait ça? Ah non, moi, non, je sais pas. J'en sais rien du tout. Can Sextor. Ouh là là. Ouais. Allez. Oh là là. On appelle un sex shop à Cannes et ce sera notre dernier essai, mesdames et messieurs. Et après, je crois que bientôt, on est dans combien de temps là? Je crois que bientôt sera la fin de l'émission. Hein. Ouais, on devra dire au revoir, mais on revient après. Après beaucoup de temps. Si vous êtes au rendez-vous, alors... Tu vas appeler ce sex shop. Ah, oh, tu appelles là, putain, moi je suis pas prêt c'est du bon, tout. Ça y est. Sextor, il s'appelle Can Sextor. Putain, faut qu'il chante. I don't want it. Can Sextor, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez exactement comme jouet? Ah bah, tout. des codes, des vibromasseurs. Vaginal, anal. Oh non, c'est bon, laisse tomber, on va trop rigoler, c'est impossible. Non mais le mec en plus il était vachement sympa. Il était sympa mais je sais pas. Un tour là, vaginal, super anal, clitoridial. Alors là, mesdames et messieurs, vous vous êtes régalés, c'était de la bombe. Ah voilà. Ouais, c'était stylé, hein. Alors là, moi j'ai passé un très beau moment. Ça m'a bien plu, moi. Ouais, moi aussi. Donc, est-ce qu'il est temps de refermer cette émission? Je n'en sais strictement rien, c'est un peu vague ici, nous sommes un peu mal organisés. En ce moment, veuillez nous excuser, c'est la première putain, émission. C'est dommage, j'ai pas pu tenir ça quand même. Hein. Ah ouais, putain. J'aurais tenu ça. Une double pénétration. Ou alors, toi, tu peux essayer d'appeler, mais tu vas rigoler ou pas? Franchement, oui. Je suis désolé. Transformateur de voix, est-ce que si on enregistrait notre voix... Transformateur de voix, ouais, on enregistre notre voix et ça nous ressort... Mais que par oreillette? Ouais. C'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Bien putain, j'ai bien rigolé moi. Ouais, moi aussi. C'est dommage parce qu'il était vachement sympa et j'avais l'impression pendant un moment donné, j'avais l'impression de parler à un marchand de fruits. Moi aussi. Alors, pomme, poire, non, il a payé. Bonjour, j'ai dit bonjour. Qu'est-ce que vous avez exactement comme jouet? Ah ben, on a de tout. Des gants, de tout. Ah, des gants. C'était un peu vague et tout. Il dit des gants, des vaginales, des clitorisiales. T'as des clitorisiales. Allez. Bon, je ne sais pas s'il est temps de... T'es gavé parce que sur le bonsoir, en fait, c'est le premier mot. Sur le bonsoir, t'étais vachement crédible. Donc, du coup, il a dit ça va, c'est pas des... On peut essayer un autre, hein. Ouais, je sais pas si on va faire ça. Tu sais ce qu'on va faire? Sur Nancy? Allez, un sextoy sur Nancy. Déjà, on va se lancer une musique. Sans dessus dessous. On va se lancer une musique. On va se retrouver après. Qu'est-ce qu'on peut ou pas? Téléphone de Beyoncé et... Lady Gaga. Lady Gaga. Ou alors téléphone de Lady Gaga tout court, où elle a fait une nouvelle chanson qui est tout seule. Ah ouais, et nous la passons en exclusivité. Allez, on passe ça. L'exclusivité téléphone de Lady Gaga. On se retrouve juste après, mes chers amis, avec un sex shop à Nîmes. Un sex shop à Nîmes. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. J'ai un chewing-gum parce que je viens de me rendre compte que j'en avais un dans la poche. Ah. sont les belles surprises qui font que j'aime vivre. Et j'ai couru parce que je crevais. Ouais. C'est très con. Eh bien, si vous venez de nous rejoindre, sachez que... Eh bien, on a... Vous avez raté quelque chose. Ah ouais. Ouais, ouais. Allez sur Facebook, lâchez des commentaires. Allez-y. C'est gratuit. En plus, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. C'est important de faire plaisir aux gens dans la vie. Surtout qu'en plus, il y aura du lourd qui arrive, là. On va vous faire remarrer. Parce que... Mais finalement, j'ai jeté mon chewing-gum parce que je n'arrive pas à articuler avec. Ok. On va re-se pisser de rire. On va rappeler un sextoy. Un sex shop. En tout cas, appeler un sextoy, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. T'imagines ? On a des vibros, des... On a des gosses, des roisseurs. Original, j'aurais dû dire, c'est quoi le principe d'un vibromasseur ? J'ai entendu parler. Je connais pas le principe des vibromasseurs. Non, non, moi j'ai vraiment pas de ta gueule. C'est pour le bonjour. Merci. La signature de virus a été mise à jour. Voilà, ça c'est mon antivirus. Alors, je pense qu'on a compris quand même. Amen. Enfin, on a compris, c'était pas ta mère qui parlait là. Sex shop à Nancy. Ah non, à Nancy, je crois qu'ils font les haies. Bah, c'est encore mieux. À Paris, on croyait aussi qu'ils faisaient les haies. Le mec est abonné. Bonjour. Ah non, c'était à Cannes. Ça. Ouais, ouais. Paris, c'est le mec qui nous a menacé là. Ah ouais, ouais. Non, c'est à Marseille. C'est qui alors à Paris? Ça n'a pas répondu à Paris, non? Ouais, à Paris, ça n'a pas répondu. Appelons Nancy. Ouais. On va appeler Nancy, alors Charles, tu reparles. Darius, tu reparles. Je suis pas. Ne déchire pas sur mon coussin, car tu as du chocolat. On va comment t'en mâcher. Ouais, ok. Ouais, mais c'est pas grave, si on s'en fout que les gens t'entendent mâcher ou pas. Tu veux imiter le cri du cougar. Et là, je chasse le merlu. Oh putain, il faut encore faire tout ça, c'est calibration bon, c'est bon. Écran. Ouais, j'ai fait. Ah ouais, bon. Coup comme ça. Allez, c'est toi qui appelle ou c'est moi qui appelle? Alors moi j'appelle et toi tu parles. Parce que moi je veux fendre la poire. Ah bon. Ok, il est beau bien. Tu as pas des bouteilles d'eau toi chez toi? C'est impressionnant ça. Non, j'ai pas de bouteilles d'eau. On boit au robinet chez moi. Et on va chercher l'eau au puits quand il y en a plus. Alors je reveux le numéro. Eh bien reveux le numéro. Re. Ah, ça commence par 03 Nancy. C'est bon à savoir. Non. Si vous avez besoin d'appeler la police, vous faites 0317. Ouais. Et la police est là. Donc si t'étais trompé, viens on change d'un numéro et on dit allô sex shop. Et elle dit non pas du tout. Et nous on fait soit en dessus dessous 23 rue de Romier. C'est bon, ça appelle. On essaiera d'appeler quelqu'un d'autre après pour le faire croire que. Perfect. C'est toi qui parle ou c'est moi? C'est toi, c'est toi. Non. C'est toi qui parle, c'est toi. C'est toi. C'est Darius qui parle. On va te faire foutre. Bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Oui. Oui, bonjour, je suis bien chez Sans Dessus Dessous. Oui. Voilà, je voulais savoir ce que vous aviez comme... Comme vibromasseur, s'il vous plaît. Allô. Oui. Oui, j'entends rien du tout. Oui. C'est normal, on a un petit problème de communication un peu. Excusez-nous. On est deux, alors on s'est mis sur haut-parleur. Vous entendez ou pas, monsieur? Oui, c'était pour savoir ce que vous proposez comme vibromasseur, s'il vous plaît. Vous voulez savoir quoi? Ce que vous proposez comme vibromasseur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je propose? Il y a plein de modèles. Et est-ce que vous avez On voudrait être plus renseigné, monsieur, c'est pour... Oui, parce qu'en fait, on ne connaît pas le système du vibromasseur. En fait, on se l'enfonce dans le vagin et ça vibre, c'est ça? C'est le supérieur, là, ça sent très mal. Quand il dit ne quittez pas, c'est qu'il me passe le patron. Ouais. Ça. Parce qu'en plus, il était en train de téléphoner. Quel bâtard, quand même, un peu, quand ouais, même. Hein. Non, on était à fond dans le truc, ouais. Quel est le principe d'un vibromasseur? Mais non, mais dis pas ça, t'es con, le mec, il appelle un sex shop, il dit comment on fait l'amour? Comment on fait bibi, maman? C'est comme ma petite cousine, elle me demande Arthur, pourquoi Juliette, qui est ma soeur, pourquoi Juliette, c'est une fille? Moi, je lui réponds parce qu'elle a les cheveux longs. T'es content de ça? Ah ouais, je suis trop fier de moi. Bon allez, dernier 40 sex-stop. Place de la gare. Avant que ça ne vous lasse. Et avant que nous nous quittions, il nous reste quand même assez longtemps d'émission, mais... Ouais. Ça dépend si on s'amuse ou pas, parce que quand on s'amuse, le temps passe vite, bien sûr. Parce qu'on regarde moins souvent sur sa montre, et que c'est psychologique que le temps passe vite. C'est émission, partie d'émission spéciale sex shop, hein, on vous rappelle. Tous les coquins sont là. Tous les coquins sont là, bien évidemment, comme le dit si bien Darius. On va appeler tous les sextoys de... Enfin, tous les sextoys de France. Pas tous les sex shops de France. Mais plein de sextoys répartis dans la terre. De sex shop. Sextoy. Mais on va appeler c'est en fait. Tu parles parce que tu étais trop sérieux. Là, c'est de Lille. Ne demande pas l'utilisation d'un vibromasseur parce que là, ça va partir dans n'importe quoi. Babylone, bonsoir. Oui, bonjour. Babylone, bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui. Allô. Oui. Allô. Oui, allô. Oui, allô. Je vous entends très très mal, vous pouvez me rappeler s'il vous plaît? Ah non, mais c'est mon téléphone qui marche pas très bien. Allô? Allô? Oui, allô? C'est parce que mon téléphone marche pas très bien, je suis désolé. Oui. Parce que voilà, je vous appelais. Oui, bonjour, on est un couple, on est ensemble depuis 3 ans. Et on n'a jamais essayé de sextoy. C'est pour savoir ce que vous pourriez nous conseiller, s'il vous plaît, parce que... Bah, faut venir au magasin, alors. Ah, faut... Est-ce qu'on peut essayer sur place? Non, monsieur, faut acheter alors. Ah, d'accord. Ah, ben, d'accord. Je vous entends très très mal. Oui, ben, on passera. Vous êtes ouvert le dimanche? Oui. Eh ben, on passera sûrement demain alors. Quels sont vos horaires d'ouverture, s'il vous plaît? 14h-20h. Comment? 14h-20h. Ah, très bien. Eh okay. Ben. Eh ben, on passera demain. Quel gros bâtard aussi celui-là. 16h-20h. 14h-20h. Ah ouais. 14h-20h. Ah là là. Oh putain. Ah putain. Bon, on va refermer une page là qu'on met de côté, on réouvrira très bientôt. Mais pour l'instant, on va refermer, on va passer à autre chose un peu avant que cela ne vous saoule. Allez. Dis-moi, j'ai envie de savoir qui sont les 10 humoristes préférés des Français. Ah, allez, c'est parti. Moi la première, je n'aime pas. Hein. C'est Florence Foresti? C'est Anne Roumanoff. Non! Si. Anne Roumanoff. Putain, non, je suis dégoûté! Mais ça, c'est selon quoi? J'en sais rien, faut regarder la source. TNS pour le magazine Stratégie. Putain, je suis dégoûté, non, j'aime pas. Anne Roumanoff, j'aime pas. Non, c'est vrai. Elle est pas drôle du Laurent Gérard, il est que 8ème. Je suis un peu dégoûté. Et Elise et Moon aussi, ils me font bien rire, tous les deux, je les aime bien. Celui qui est pas dedans, c'est Jamel Debbouze, c'est bizarre. Ouais. Là, Jamel Debbouze, Arthur n'est pas dans la liste. Encore heureux. Putain. Ah ouais, le top 10 des sportifs préférés des Français aussi. Allez. Après, top 10, attends, j'ai envie de... Après, on changera, on fera top 10 des personnalités détestées des Français. Okay. Et en premier, c'est... Sébastien Chabal. Avec 35,9% des suffrages. Après, Sébastien Loeb. Devant Sébastien Loeb. Thierry ouais. Henry. Ce qui est bizarre, c'est que Thierry Henry, après avoir mis, ouais, une, après main, avoir mis une main, il est toujours là. Ouais, voilà. Mais bon, sans lui, on n'aurait pas gagné aussi, peut-être. Oh hein. Putain, il y a un inconnu. Olivier de Kersauzon. Je ne connais pas. Franck Ribéry. Oh, il y a Johan Gourcuff. C'est bizarre. Johan Gourcuff, 10ème. Je comprends. Donc, n'oubliez, n'hésitez pas, si vous avez des idées à nous proposer pour l'émission, ouais, à les mettre dans les commentaires. Sur Facebook, ouais. C'est quoi ça? Les personnalités les plus préférées, les plus détestées des Français. Alors attends, on part d'en bas. Ah non, attends, c'est celui du mec ou de... Alors, ah non. Attendez. Selon moi, il y a vu donner, c'est... Non, alors, le 8ème... Non, mais descends, il y a pire encore. Alors, 11ème, Michel Drucker. Ça quoi m'étonne un peu parce que les Français aiment beaucoup, ouais, Michel Drucker. C'est vrai. Ah, vous le, en verrant le 9ème, vous rigolerez. Le 10ème, c'est Brice Hortefeux. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est, on faut dire que ses arguments sont pas très convaincants aussi. Hein. Mais en fait, c'est lui qui décide. Il fait pas un sondage ou quelque chose comme ça. C'est lui qui décide. Ouais, voilà. Et alors, le 9ème. Le 9ème, c'est le PSG. Et je le soutiens fortement dans sa lutte contre le PSG. D'ailleurs, soyez nombreux sur Canal+, dimanche. OMPSG, grosse affiche, on va les enfler. Soyez nombreux sur Canal+, aussi, César ce soir. Ouais, ce soir César, bon ça ce sera... Ce sera plus pour les cinémathèques. Ouais, voilà. Ensuite en 8ème... Pour les fans de Sextop, c'est leur moment de balancer le slam. Pour les fans de Sextop, n'oubliez pas de rester avec nous, car on a de quoi vous donner du mou. Non, pour les fans de Sextop, n'oubliez pas de rester avec nous, On vous montrera ce que c'est le top, même si on cague mou. Je sais pas. Moi, je cague pas mou, moi. Non, c'est... Les fans de Sex Shop, restez avec nous. On s'y connaît, nous, dans tout ce qui est god, vibromasseur vaginal. Vaginal ou orthogonal. Horizontal, tu le prends à l'horizontal. Oh, Nicolas Sarkozy, premier en 8e. Mais pourquoi il y a Nicolas Sarkozy? Et bien sûr, premier, Éric Besson. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, Éric Besson? Parce que personne ne l'aime, Éric Besson. Ah. Devant... Michael Vendetta. Non, devant Raymond Domenech. C'est marrant que Michael Vendetta soit pas devant. Ouais. Et deuxième, Raymond Domenech. Je le soutiens, Raymond Domenech. Le pauvre, personne ne l'aime. Ouais. Regrette ce que il n'y a pas écrit. Voilà. Voilà. Donc, par la pensée, si vous avez envie que nous continuions à appeler des sex shops, vous me le dites par la pensée. D'accord, nous allons continuer. Nous ne vous décevrons pas. Voici, nous appelons. Allez, une ville en France. Dis-moi une ville en France, vite. Allez. Lyon. Non. Allez. Saint-Étienne. C'est une ville, ça? Non, Clermont-Ferrand. C'est... Ou Bordeaux. Clermont-Ferrand ou Bordeaux? Berg. Ah ouais, les experts à Berg. Berg, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas à Berg. Une ville bien paumée, Marly-Gaumont. Ça m'étonnerait qu'il y ait un sex shop à Marly-Gaumont. Non, mais il n'y en aura pas. Non. Non, il faut trouver comment ça s'appelle. Le village dans les ch'tis, c'est Berg. Ah, c'est Berg. Ah ouais. Ben... Allez à Bordeaux. À Nantes. T'as pas déjà fait à Nantes? Non. Il n'y en a pas? Non, ça c'est dans le 44, non. Mais je sais. Alors, Bordeaux. Non, Lyon. Bon, Lyon. Il y en aura forcément à Lyon. L'Empire du plaisir. L'Empire du plaisir, ça me donne envie de pisser. Je re. Oh, il y a un avenue. Ah ben alors, vous allez rester avec moi tout seul. Ça vous fait peur, hein. Vous avez peur de rester avec moi. Ça vous fait peur de rester avec moi tout seul, hein. Alors là, il y a eu un gros blanc. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi il y a eu un gros blanc. Parce que, pour nous, les gros blancs, c'est symbolique de force intégrale. De puissance extérieure. C'est signe de richesse intérieure. Signe extérieur de richesse intérieure. Alors là, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites quoi? Vous me dites Opel? Eh oui! Putain, vous êtes trop nuls! Oh là là là là! Oh là là là là! Je suis déçu! Vous m'avez tous déçu! Tous! J'ai envie de vous laisser tout seul! Tout seul, comme ça, comme des merdes! Mais je vous aime bien quand même! Alors on va appeler un sex shop à Lyon! Lyon, qui est la capitale du 69, non. Si, si. C'est le 69, ouais, Lyon, ouais. Pas la capitale. Si, si, c'est la capitale du 69. Alors, j'ai envie de savoir quand même s'il y a des avis. Il y a un avis. Ah, il y en a beaucoup. Il y a Extrême Senteur et l'Empire du Plaisir. L'Empire du Plaisir, ça m'a l'air pas mal. Mais Il y a pas de toys. Là où je suis dégoûté, tu vois, c'est vraiment qu'il y a aucune... On va plutôt appeler Extrême Senteur, ce qui eux vendent des toys. Et là où je suis un peu dégoûté, c'est que aucune fille... Ouais, c'est aucune pas des femmes qui répondent. Ouais. D'un autre côté, okay. Oh, comme ça, si jamais c'était une fille, moi, perso, je leur ai demandé ses avis personnels et tout. Ou vous préférez anal, vaginal. Ouais, tu peux demander. Ouais, il faut dire qu'est-ce que vous me conseillez, il faut dire ça. Ouais. Allez, on essaie ça, on essaie. Et on leur demande ce qu'ils nous conseillent. Ouais. Ok, ça va. Bah, tu commences à parler, puis... dans mon élan, je reste. Ouais. Moi, je pourrais t'aider. Si jamais on est deux, on dit ouais, on est un couple. Faut lire la description. Alors, deux centres dédiés au plaisir. Lingerie, sextoy, DVD, huile de massage, coffret de jeux librairie. Au meilleur prix sur la France. Très bien. Alors... Quoi? On dirait le mec qui compare les prix et tout. Meilleur prix sur la France. Très bien, c'est parfait. C'est exactement ce qui me convient. Satisfait ou non des résultats? Ah bah non, il faut mettre non. Alors pour le mec de Paris, il faut mettre non. Comme ça, ouais, il a... He's calling. C'est toi qui parles ou c'est moi? C'est toi. On parle tous les deux. Bonsoir. Votre numéro de téléphone est masqué. Pour pouvoir contacter votre correspondant, merci de prononcer votre prénom suivi de votre nom. C'est à vous. Jean-Michel Lapoire. Merci de patienter. Nous tentons de joindre votre correspondant. C'est toi qui parles, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles, non. Jean-Michel a la poire. Dis qu'on est un couple épanoui. Nous sommes un couple épanoui depuis bientôt 3 ans. Bon, allez, va te faire foutre. Là, je suis en train de payer et toi, tu me racontes. Non, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye ou c'est toi? C'est moi. C'est toi? C'est moi? C'est moi. J'ai une idée très bien, mais un peu raciste. Nous allons appeler un restaurant chinois. Taoui. Des bières. Déjà, on essaie l'empire du plaisir et après. Est-ce que vous vendez des nems? C'est sexy, le nem. Appelle l'empire du plaisir. I love nem. C'est des bâtards, pourquoi? Et tu as pas le droit de faire ton de numéro masqué. J'aurais dû dire Ludovic d'Amance. Allez, appelle l'empire du plaisir. L'empire du plaisir sur Lyon. J'ai le micro, ça fait un gros bam. Et j'ai pété. Eh bien, ça nous fait bien plaisir, savais-tu ça? Ouais. Ouais, c'est quoi qu'il a dit au maillot? C'est quoi qu'il a dit au maillot? C'est pas le saumon qui bouche le porc, c'est l'iceberg. Non, ouais, et attends, et après. T'as pété, gros porc! Ouais, putain, après, ça pue! Et après, attends. Au début, il a dit: putain, tu as vu, il y a l'iceberg de la taille du Danemark qui vient de se décrocher. Parce que je fais. Franchement, son fils, il avait l'air de péter la gueule, je pense, son fils. Jazz, 31 Jazz. Jazz, 31 Jazz. Amen, ça appelle. Arrête, ça appelle. Arrête, ça appelle. Non, ça n'appelle pas. Si. Utilisateur occupé. Ah, il y a un autre pervers en ligne. Essaye sur l'île. Non, on attend. Tu es occupé. Non, s'il te plaît, essaye Strasbourg. Non, on va te faire foutre. Allez, connard. Strasbourg. Non, on va essayer. C'est pour moi. Oh putain, je le connais. Hein. Ah oui. Si tu en vas à Bastia. Bastia, je le connais, c'est l'empire du plaisir. Alors, dis-moi. Tu mens, voilà. En fait, il n'a jamais eu de truc à Bastia. Si, à Bastia, arrête. Oh, Bastia, putain. Est-ce qu'on paye si c'est en Belgique? Oui. Oh putain, ça aurait été trop marrant. Alors, qu'est-ce que vous voulez que vous voulez que... Strasbourg, vas-y, Strasbourg. Va te faire foutre, quoi. Strasbourg. Tu me fais chier. Strasbourg. Non, rien. Non, sex shop. Ah oui, mais putain, là, on tape sex toy en fait. Mais oui. Putain, on est des gags, alors ça veut dire encore, il doit sûrement y en avoir un. Voilà, édition Concorde. Attends, je me suis en Corse d'abord. Leader du plaisir à domicile. Non, mais Corse. Corse. Extrême vidéo, c'est tout. Mais c'est où ça? C'est à Bastia, tu vois, je t'ai dit que c'était à Bastia. C'est Bastia, pas l'empire du plaisir, alors ta gueule. Non, mais à Bastia, il y en a plein. Il y en a qu'un. Non, il y en a plein, Bastia. Allez, édition Concorde, c'est eux les leaders du plaisir. Top critère, latex. Bouti X. C'est où ça? Ça sera Strasbourg. Ça m'énerve un peu qu'il y ait des magasins comme ça. Ouais, c'est vrai. WM. Attends, on est là dans un truc de censure et tout. Dans le magasin, il y a des trucs de cuve. Boutique. C'est pas interdit, c'est machin. C'est le nid des pervers. Boutique. Ça. Non, très bien ça. Édition Concorde. Ah ouais, très bien. Leader du plaisir à domicile. Exactement. Nous sommes un couple homosexuel. Je suis Marc, tu es Philippe. Nous sommes un couple épanoui. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Très bien. Il faut raconter notre vie un maximum quand même. Vente en ligne. Et si je jouais les PD et je vous balançais un petit peu de pub et on se retrouve juste après? Ouais, au moins ça vous fait tenir. Non, c'est pas de la pub, c'est de la musique. Ouais, musique. Bon, c'est pareil. On se passe quoi? Tu nous passais un truc tout à l'heure, non? Ouais, mais c'est des téléphones. Vachement, putain. Chiant, bébé, comme ça. C'est des téléphones que je voulais vous passer, mais... Et si l'on s'aime, si l'on s'aimait... Na na na na na na na na... Non, pas ça, j'aime pas. Tu veux pas me passer replay? On a dit qu'on l'avait passé. On l'a déjà passé. Je suis un gag. Alors on va se passer une chanson. Une chanson extraite de l'album de Kesha. Ok. Allez. Blabla, la nouvelle. La nouvelle de Kesha, blabla. On se retrouve blabla juste après. Coming at your mouth with your blah blah blah. Zip your lip like a padlock. And meet me in the back with the jack at the jukebox. I don't care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me what you listen high. I'm in love with this song, so just say. I just talking that blah, blah, blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah, nah. In the back of my car, if you keep talking that blah, blah, blah, blah, blah. Give a rocks off, come put a little love in my glove box. Just wanna dance with no pants on. Meet me in the back with a jacket, the jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is. Et ça sera fini après, hein. Fini les sex shops parce que c'est un peu chiant. On refermera bientôt l'émission. À chaque fois, on dit ça et on en rappelle. Et ouais, parce que ça marche, c'est du carton, on rigole bien. C'est pas des. Ça répond pas. Allez. Comble le blanc. Comble le blanc. Combien le numéro que je couperai avec Audacity. Avec le ciseau. Ah putain, j'ai envie de chier. J'ai envie de chier. Si l'on s'aime, si l'on s'aimait, c'est... Arrête de voler le son de l'enfant. Pourquoi ça fait ça dès qu'on appelle? Pourquoi ça fait ça dès qu'on appelle? Toujours ça. Ça l'image hein, du dôme, je sais pas. On passe phrase pour l'enfant. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Je suis avec mon partenaire et nous voulons... Ah d'accord, c'est dommage. Putain, on avait une femme. Mais ouais, mais là, mais j'avais parlé, mais je pouvais pas. T'as pété gros porc. Bah ouais, j'ai envie de tuer. Elle nous a entendu jusqu'à ce que ça devienne. Non, non, parce qu'elle a raccroché, il y a dû se passer un truc. Et voilà, ainsi s'achève ces canulars. Eh ben frère, on revient. Peut-être qu'on reviendra un peu plus tard. Le mois prochain, sûrement. Allez. Ah. Bah non mais je parlais pour plus tard. Là on va continuer. On va bientôt devoir clôturer l'émission et dans quelques minutes. Ouais. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et voilà, nous refermons cette émission. Voilà. Allez, on se retrouve dans un mois. Dans un mois, jour pour jour. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de toute cette histoire. Non, peut-être que le mois prochain, on la fera avec un peu de retard, car... On n'a pas de date particulière à avoir. Voyage aux USA est organisé. Voilà. Ah, effectivement. Ah. Alors, ce serait plus dans deux mois. Ça dépend si vous êtes au rendez-vous ou pas. Si vous êtes au rendez-vous, on pourrait peut-être surprenant et revenir un peu plus tôt. Si vous postez beaucoup de commentaires, ne vous inquiétez pas, on en fera une. Et après, par contre, on reviendra, tu vois, aux USA, toujours plus haut, toujours plus fort, avec de nouvelles vannes. à beaucoup plus de choses. On sera trois. On sera au moins trois, si ce n'est quatre. Peut-être. Parce qu'en alternance, il y aura Logan et Diego. Ah, effectivement. Donc voilà, pour apporter encore plus de manœuvres à l'émission. Allez, au revoir, on vous laisse. Je vais clôturer un peu le tout parce que je suis présentateur. Alors il faut que je vous explique que le fichier sera présenté sous forme de vidéo. Les musiques seront ensemble. Nous n'avons pas encore choisi le lecteur alors qu'il est. Et voilà, nous espérons que vous avez passé un beau moment. Je tiens à dire que si jamais il y aura beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'écoutes, il se pourrait que nous avancions la date vers la fin du mois. Ouais. Voire même le milieu du mois de mars. Parce que là, nous sommes en février. Ouais. La prochaine est en mars. On ne sait jamais. Nous, on s'est bien éclaté à le faire. On espère que vous aussi. Voilà, passez une bonne soirée. On va passer une musique pour clôturer le tout. Ouais. On peut passer quoi? Qu'est-ce qu'on a dans on va passer un classique. On va passer Meet Me Al Fouet des Black Eyed Peas. Oh non. Bon. Ah non, j'en ai ras le cul de cette musique. Bon, alors, je sais pas. Le nouveau de Cascada. Ouais. Hypothermia. Comme ça. Hypothermia. Non, ça c'est le truc qu'on fait dans Pyromania. Pyromania. Allez. Pyromania, voilà. N'oubliez pas d'acheter des gourdes vaginales et extragonales. Voilà, c'était la phrase du jour parce que tout dans tout. Ah non, un dernier mot. Allez. Piscine. Bonne soirée, à bientôt sur Freeze Radio. Call me obsessed, call me insane. Something is creeping through my veins. Eyes cannot see what's underneath. I can't stop and you can't stop me. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. The temperature's rising up, up so hot, 'cause I'm burning up. Thousand degrees, bring out the beast inside of me. Don't be afraid, blow into the blaze. It's gonna melt your fears away. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. The temperature's rising up, up so hot. Getting hot, hot, and I'm burning up.